Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 39 du Bras de fer des films. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, j'ai mon compère compagnon, franc copain et vieux camarade, Steven de François. Salut Steven! Mon Dieu! Je me sens presque honoré, mais salut Jeff! Salut! Référence au pierre à feu. Dans le fond, t'es en train de dire que je suis Arthur. Exactement! Steven Arthur Laroche, le François. J'ai-tu l'air autant sain d'esprit? Non. Ok. T'es pas assez marabout pour être Fred, ça marche pas. Ah, c'est vrai. Puis aussi, ça voudrait que ça soit Pierre. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, en notre compagnie, on a les criquets. Oui. On les entend plus, là. Ouais, pourtant... Ok, sont... oui, je les entends, c'est beau. Okay. Ils sont en feu à soir, là. Je sais pas s'il y a une orgie de criquets, là, mais... Ils veulent participer au podcast. Ouais, ouais, mais bon. Ça met de l'ambiance. Fait que dans cet épisode-là, on parle de deux films qui mettent en vedette, c'est un bien grand mot, dans lequel joue Michael Caine. Le premier film, c'est... Les deux films, en fait, c'est moi qui les ai choisis. Je les avais vus, mais ça faisait très longtemps. Le premier film que je considère un classique, c'est Sleut, en français, ça s'appelle Le Limier, 1972. Avec Laurence Olivier. Je nommerai le casting tout à l'heure. Et le Nanar Navet, un film que j'avais vu il y a très très très longtemps, Jaws, la revanche. Jaws 4, de 1987, avec Lorraine Gary et Michael Caine, justement. Puis je nommerai encore, on nommera le monde tantôt. Ouais. Et deux films assez différents. Oui, c'est le cas de le dire. Moi, j'avais deux petites affaires à parler rapidement. Là, t'avais-tu des trucs que tu voulais parler en intro comme ça? Non, j'ai rien en particulier, fait que je te laisse la place. OK, ben sur le site, j'en ai parlé sur la page Facebook, mais sur le site bradfairdesfilms.com, j'ai mis un petit widget, c'est comme ça que ça s'appelle, d'Amazon.ca. Dans le fond, c'est juste... J'avais peur que les gens pensent qu'on devienne super greedy puis qu'on demande de l'argent ou qu'on mette une grosse bannière Amazon. C'est pas ça que je voulais faire. Fait que j'ai choisi un widget qui est quand même assez grand. Là, t'sais. C'est sur le site. Quand vous arrivez sur le site, vous descendez après la liste des épisodes puis vous arrivez. Il y a les tweets à droite puis il y a le widget d'Amazon à gauche. Dans le fond, tout ce que c'est genre des recommandations de films qu'on a parlé dans le podcast. Ou il y en a quelques-uns dans la liste qu'on n'en a pas parlé, comme West Side Story ou ben Dumb and Dumber, mais que j'ai considéré que c'était des films qu'on a jasé dans les time-outs un peu puis qu'on aimait. C'est vraiment juste une liste de films sur lesquels vous pouvez cliquer puis aller les acheter sur Amazon si ça vous tente ou pas. Vous êtes totalement libre de faire ce que... Dans le fond, si vous cliquez puis vous achetez le film, ça nous donne un petit pourcentage. Là, c'est vraiment pas grand-chose. Puis dans le fond, tout ce que je cherche là-dedans, c'est peut-être à ramasser quelques sous pour payer l'hébergement du site, des trucs comme ça. Là, rien, on va pas se mettre riche avec ça, vraiment pas. Là. Hey, tu m'as dit qu'on partagerait à moitié-moitié, 50-50. Ah, chut! Ah, ok, non, on est en onde, fuck. Mais non, je rigole, évidemment. Et c'est ça, je lisais des trucs sur le financement des podcasts. Il n'y a absolument personne, ni au Québec, ni ailleurs, ou presque pas, qui vivent de leurs podcasts. Aux États-Unis, c'est plus fréquent un peu. Ils ont des commandites, toutes sortes d'affaires. Moi, c'est pas ça que je veux non plus. Je veux pas qu'on devienne un show qui commence à faire des interruptions à tous les 15 minutes pour faire un, pour faire une pub pour le sponsor. C'est vraiment fait par plaisir. Tu sais, j'écoute le Killer POV, qui est un podcast d'horreur, puis là, depuis 2-3 épisodes, ils ont commencé à avoir justement des sponsors, des commanditaires, puis à toutes les 15 minutes ou 20 minutes dans la conversation, ils font une petite pub, tu sais. C'est gossant, là, tu sais. Bon, ben, je reviens, les gars, je vais aller me chercher une Budweiser, une délicieuse bière que vous pouvez aller chercher à l'épicerie pour pas moins que 9,99 pour 6 cannes. Fait que non, t'sais, on fera pas de placement de produits, rien. Dans le fond, c'est ça, je voulais garder les mêmes. T'sais, j'ai fait une petite bannière avec un widget qui a les mêmes couleurs à peu près que le site, puis tout. Puis c'est ça, ça va être juste les films dont on a parlé. Je vais en rajouter au fur et à mesure que les épisodes vont se rajouter. Puis aussi, en bas complètement du site, il y a un genre d'engin de recherche d'Amazon qui est plus. Vous pouvez chercher n'importe quel film avec ça. Puis c'est ça, si vous allez sur le site à partir de ce truc-là, puis que vous achetez un film, je crois que. T'sais, c'est la première fois que je fais ça, fait que je comprends pas tout à fait le fonctionnement, mais c'est supposé me donner un petit pourcentage. Pour vous, ça change rien. C'est le même prix sur Amazon. Pour nous, ça nous donne un petit quelques sous, fait que ça nous encourage et tout ça. Puis sinon, ben, je vais voir au fil du temps si ça fonctionne ou pas. Puis si vous avez d'autres solutions, d'autres idées, si vous voulez nous encourager, si vous vous dites « Hey, c'est vraiment une bonne idée, mais peut-être que ça serait une meilleure idée si vous voulez faire un petit peu plus d'argent ou si vous voulez faire... pour atteindre notre but, justement, de faire quelques sous, tout ça, si le widget n'est pas la meilleure solution. Si vous connaissez la meilleure solution, ben, vous pouvez nous le dire. Mais c'est ça. Dans le fond, je voulais m'expliquer parce que je ne voulais pas que le monde pense qu'on veut faire absolument du cash avec nos auditeurs. Ce n'est pas le but. Notre podcast, c'est juste nous deux dans chez nous, ben, ben relax. Puis on est deux gars qui se parlent sur Skype... de films, puis on va rester bien simple. C'est pas, on devient pas une entreprise ou quoi que ce soit. Non, c'est juste du plaisir. C'est les moments que je décompresse, moi, dans la semaine qu'on fait nos podcasts. Ben, moi aussi, dans le fond, oui, je m'excuse, j'étais en train de penser à ce que j'allais dire après. Mais oui, moi aussi, c'est... Oui, j'avais hâte. J'y pensais aujourd'hui toute la journée, j'avais vraiment hâte de le faire, puis... Non, c'est quelque chose que j'adore. Je dis, on a starté ça l'année passée, puis je suis pas prêt d'arrêter, là, vraiment pas, puis on a du fun. Puis... Non, c'est une belle routine. Oui. Ça nous force, on en parlait un petit peu en dehors de l'enregistrement, mais ça nous force à voir des films des fois qu'on n'a pas vraiment envie sur le coup de voir, ou qu'on n'a jamais vu, qu'on a tout le temps mis de côté, fait qu'on en prévoit un peu déjà d'avance là, des prochains épisodes, puis des trucs qu'on fait « Ouais, tu sais, ça, je l'avais pas vu, ben ça, j'avais plus ou moins envie de le voir, ou peu importe, tu sais, puis... » Je pourrais jamais le répéter assez. C'est grâce à toi que j'ai finalement découvert The Red Shoes, puis c'est vraiment... Ça a été une grosse claque, ce film-là. Fait que je te... Gars, juste pour ça, c'est déjà une belle preuve de comment ça l'aide à faire découvrir encore plus les classiques des podcasts, parce que sinon, je vais juste tout le temps aller vers ce qui m'attire... soit par la pochette ou automatiquement parce que c'est des trucs que j'adore, mais tu sais, il y a des films des fois que je connais de réputation, mais c'est juste que ça me tente pas de prendre le temps de les écouter des fois. Je pense qu'on est tous de même un peu, puis... Ouais. Puis grâce à toi, moi aussi, j'ai découvert un classique, j'ai découvert Christmas Vacation 2. Oups, ok, sorry. Hey, merci, c'est gentil. Ben, crée-moi que... Non, en fait, j'allais dire, je préfère t'avoir fait découvrir ça que Swamp Country, mais j'aurais préféré te faire découvrir Swamp Country à place de ça. Sérieusement, je pense que The Rooftop est un de mes préférés dans tout ce que j'ai vu. Wow, cool. C'est, je ne l'ai pas revu depuis qu'on en a parlé, mais je le reverrai là, tout de suite, là, The Rooftop. Ben, j'espère te faire découvrir d'autres petits coups de cœur qui vont te donner envie de revoir les films un jour. Ah, puis petite affaire aussi sur le widget pour ceux qui nous écoutent, puis ça les intéresse, cette affaire-là. Dans la liste, là, je l'ai devant moi en ce moment, dans la liste des films que j'ai mis. Quand je faisais la liste sur le site d'Amazon, c'était mal fait parce que je voyais pas les prix des films. Fait que là, j'ai rentré des trucs, tu sais, The Apple ou tous des trucs qu'on avait parlé dans les épisodes. Puis là, je me rends compte après ça, en arrivant sur le site, puis en checkant le widget, que les prix, des fois, sont très élevés parce que les DVD sont comme... voyons, out of print, des trucs comme ça. Tu sais, The Apple est 65$. Je vous invite pas à acheter ce film-là 65$. Là. Non. Je pense que c'est le coffret de... Lone Wolf and Cop, qui est les 6 films, qui est genre à 666$. Là, oh my god! Puis en plus, c'est en DVD, j'imagine? Je me souviens plus si c'est Blu-ray ou DVD. Il y en a des fois que j'ai mis Blu-ray, d'autres j'ai mis DVD. Non, c'est DVD. Collector's okay. Edition Box Set, ouais. My god. 666. Non, ça, j'ai trouvé le coffret Blu-ray pour 69$. Je me suis garoché dessus aussi. Et c'est ça, je vais essayer de corriger ça, là, mais il ne me donnait pas les prix sur le site qui me permettait d'y rentrer. Fait que Trick or Treat, le vieux film de 86, c'est le DVD, 83$. Surtout, tu peux le trouver en usagé pour 5$. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Non, mais c'est ça. Si ça peut... Ça peut vous intéresser à certains films, comme je vois Beulit à 10$ ou Network en Blu-ray à 7$ et 25$, ça vaut à peine ça. Ouais, vraiment. West Side Story à 21$, des trucs comme ça, ça vaut à peine. Allez au Tic Géant, West Side Story, le gros coffret collectionneur à 9$. Fait que tu sais, Boogie Nights, 8$ et 25$, ça vaut à peine. Three Amigos à 8$. The Wild One à 13$, ça vaut à peine. Ouais. Mais c'est ça, si ça peut vous intéresser, ben tant mieux. Puis sinon, ben c'est ça. C'est pas parce qu'on peut pas le payer ici, on peut le payer, mais si ça peut nous aider. On crache pas là-dessus. Fait que bon. J'ai fait le tour là-dessus. J'avais un autre sujet, mais en fait, ça a rapport avec le film, avec le limier. Fait que on va commencer ça. Le bras de fer, puis je vous parle tout de suite du limier. Ça marche-tu? Ben oui! Ok, on commence le match de bras de fer. Sleuth, le limier en français, est un film de 1972 réalisé par Joseph L. Mankiewicz. On en avait déjà parlé de ce réalisateur-là quand on a fait l'épisode sur All About Eve. Sleuth est son dernier film en carrière. Le film a été écrit par Anthony Schaefer et s'est inspiré de sa propre pièce. C'est une adaptation, donc. Le film met en vedette Laurence Olivier dans le rôle de Andrew Wyke, Michael Caine dans le rôle de Milo Tyndall. On a aussi Alec Cawthorn dans le rôle de l'inspecteur Doppler, John Matthews dans le rôle d'un détective, Eve Channing dans le rôle de Margaret Wyke et Teddy Martin dans le rôle du constable Higgs. Et donc, l'histoire, c'est... celle du romancier Andrew Wyke, et qui, dans sa grande demeure, invite Milo Tyndall, qui est un coiffeur d'origine italienne, le jeune donc Michael Caine. Et Andrew Wyke sait que Milo est l'amant de sa femme. Et il sait que Milo veut se marier avec sa femme. Et donc, bien sûr, ça fait pas nécessairement l'affaire... L'histoire, en fait, c'est ça. C'est que Andrew veut connaître un peu veut mieux connaître Milo, puis il pose toutes sortes de questions, tu sais, savoir combien d'argent, puis en se rendant compte que finalement Milo a pas vraiment d'argent pour permettre à sa femme de mener le même genre de train de vie auquel elle était habituée, ben il va faire une proposition. Il va lui dire, ben tiens, vole les bijoux que j'ai ici, puis moi je vais prendre tu vas pouvoir les revendre, moi je vais avoir l'argent de l'assurance, puis tu sais, comme ça on va être quitte, puis tout, c'est ça, tu vas pouvoir payer une belle vie à Marguerite, qui est le nom de sa femme. Je sais pas si mon résumé fait du sens, mais bon. Fait que Milo va accepter la proposition, mais c'est ça, il va y avoir des retournements de situation, et ça va pas se dérouler exactement comme les deux pensaient. Et là-dessus, on va écouter un petit extrait du film et on revient tout de suite avec notre discussion. Et où habitez-vous? Au-dessus, derrière ou en dessous de votre magasin? Je loue une maison dans une rue privée, tout à côté. C'est commode et charmant. C'est une maison du 18e. Passer de Gênes à une maison du 18e en une génération, c'est pas mal. Mais je doute fort qu'un joyau architectural, même situé dans South Kensington, ait tout à fait le même charme pour Marguerite que pour vous. Elle adore les vieilles maisons. Elle serait ravie d'y habiter. Je crois savoir qu'elle y a déjà habité une fois ou deux par semaine, au moins. Je ne fais pas d'erreur, n'est-ce pas? Et que le vrai motif en louant le cottage à côté d'ici a été d'augmenter l'incidence de cet accouplement bi-hebdomadaire. Est-ce pour cela que vous m'avez demandé de passer? Ne jamais parler de ce qui brûle, hein? S'il me plaît de dire que ma femme raisonne comme une enfant de 6 ans et fait l'amour comme une planche à repasser, je le ferai. Et je le ferai sans demander la permission à son amant. Merci pour le verre. Alors, je croyais que vous aviez été élevé en Angleterre. Vous savez sûrement que ça ne se fait pas d'être impoli. C'est vous qui êtes impoli. Vous dites du mal de la femme dont je suis amoureux. Au contraire, je vous expliquais comment était ma femme. Mais oui, c'est bien ce que j'avais compris. C'est presque toujours ainsi, vous savez. Je parie que dans un an, ou peut-être moins, c'est vous qui direz du mal de Marguerite et moi qui parlerai d'elle en termes élogieux. Oubliant à quel point elle est en réalité bête et insipide, dépensière, et ne se préoccupant que de sa petite personne, et d'une façon plus générale, fichtrement sournoise. Est-ce que vous avez les moyens de m'en débarrasser? Donc, le limier. On va s'en tenir au titre en français, je pense que c'est plus simple de comme ça. Je voulais juste dire en partant que il va y avoir une section spoiler plus tard dans cette section-là sur le limier, parce que le film a un certain twist à un moment donné, puis moi j'inviterais personnellement les gens à regarder le film sans connaître le twist, mais si ça vous dérange pas de savoir, éventuellement on va vous le dire quand on va arriver à la section spoiler. Ouais. Mais la première partie, on parle de la première heure du film et sans spoiler. Fait que c'est ça. Connaissais-tu le limier, toi, Steven? Aucunement. Je connais pas super bien la carrière de Michael Caine. J'ai pratiquement plus vu ses films récents que ses anciens films. Fait que c'est pas vraiment un film que je connaissais, même pas de nom ou de réputation. Là. Ouais, puis c'est ça, je pense qu'il est pas... il est un peu tombé dans l'oubli, mais malgré le fait qu'ils ont fait un remake en 2007 avec Jude Law, puis justement Michael Caine qui, là, faisait le rôle de l'homme plus vieux, qui faisait le rôle originellement joué par Laurence Olivier. Non, c'est ça, moi je me souviens plus comment j'étais tombé là-dessus. Ça fait quand même une quinzaine, vingtaine d'années que j'avais vu ça la première fois, puis je l'ai revu quelques fois. Là, c'est... avant de le revoir pour l'épisode, ça faisait quand même un petit bout de temps que je ne l'avais pas vu, mais c'est tout le temps un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, peut-être à cause du côté théâtral, parce que je l'ai dit au début, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, puis ça dure 2h20, c'est quasiment la pièce au complet, le film, j'imagine. J'ai jamais lu la pièce, mais je suis pas mal certain que c'est ça doit contenir pas mal tous les dialogues de la pièce. Et c'est très structuré comme une pièce de théâtre. Puis c'est ça que je me disais en écoutant le film, puis je savais pas que ça avait été adapté de ça. Fait que maintenant tu le dis, ça fait tellement de sens, parce que dans la réalisation, puis surtout les dialogues, tu vois que ça a été fait pour une pièce de théâtre là. Puis on va faire attention à ce qu'on dit pour pas révéler de spoiler, mais la première heure essentiellement c'est un huis clos entre les deux acteurs principaux. Et ben, de suite, on rentre dans le vif du sujet, je pense, dans le film. T'sais, de suite, on apprend après 5 minutes que Michael Caine, c'est l'amant de la femme de Laurence Olivier. Puis tout de suite, Laurence Olivier met ses cartes sur table, puis il annonce tout de suite ses couleurs. Là, il sait qu'est-ce que... Il a planifié quelque chose pour Michael Caine, on comprend tout de suite. Là. Est-ce que tu trouves qu'on a vite embarqué dans le film, ou comment t'as trouvé ça, l'intro puis tout ça? Pis, Ben, en même temps, c'est un film qui dure 2h20, fait que je crois que c'était assez essentiel de rentrer dans le vif du sujet. Puis ce qui est assez drôle, c'est que la première fois que les deux personnages commencent à discuter ensemble, c'est là que Laurence Olivier m'en a dit « Comme ça, vous voulez épouser ma femme? » Là, sur le coup, je suis comme... j'ai mal compris, je pense qu'il voulait sans doute dire sa fille ou quelque chose comme ça. Puis il répète encore, comme ça vous voulez épouser ma femme. Là, je suis comme, oh non, ok, c'est bien ça qu'il voulait dire, sa femme. Fait que déjà en partage, c'est comme, oh ok, petit malaise. Et comme je disais, moi je savais rien du film, j'ai même pas lu l'histoire. Fait que je savais pas dans quoi je m'embarquais. Fait que déjà là, j'étais un petit peu intrigué. J'étais comme, ok, fait que dans le fond, il sait que c'est l'amant de sa femme, puis il l'invite chez eux comme si de rien n'était pour essayer comme. De le connaître, ou je savais pas trop. Fait que je trouvais ça intéressant, puis ça captait déjà mon attention. Fait que déjà là, je pense que c'est un peu essentiel de tout de suite aller chercher le spectateur, puis tout de suite s'y intéresser. Parce que comme tu dis, c'est un huis clos. Fait que c'est juste deux personnes dans une même pièce qui vont discuter, et c'est juste ça pratiquement. Et dit de même, ça a l'air plate, mais si vous voulez une petite comparaison pour vous montrer que c'est pas plate, il y a un autre film qui a été fait, adapté d'une pièce de théâtre qui s'appelle Bug, qu'on avait parlé sur Horror Gamer, mm-hmm. et qui mettait en vedette deux acteurs, puis c'était le même scénario, les mêmes dialogues que la pièce de théâtre, puis c'est juste deux personnes dans une pièce, puis la plupart du temps, ils font juste parler, et c'est un très, très, très, très bon film d'horreur. Fait de Limier s'en éloigne pas dans ce sens-là. Les dialogues sont vraiment de qualité, puis ça, comme je dis, ça capte tout de suite notre attention. Là. Ben, du moins, en tout cas, la première heure. Ouais. mais c'est ça, tu sais. Le début, ça se passe dans un. On arrive. Tu sais, Michael Caine arrive au manoir de Laurence Olivier dans sa belle voiture sport et tout ça. Puis il entend Laurence Olivier parler. Dans le fond, Laurence Olivier est dans son jardin, mais son jardin, c'est un genre de labyrinthe, un peu comme dans Shining, labyrinthe fait en haie. Puis c'est un auteur. Vraiment le fun, cette scène-là. On comprend que c'est un auteur tout de suite parce qu'il est en train d'enregistrer sur son magnétoscope. Pas son magnétoscope, son enregistreuse. Audio, des passages de son nouveau roman, puis il est en train de dicter ses pensées tout de suite. Puis c'est ça, tu sais. Ouais, tout de suite, c'est comme tu dis, c'est vraiment le fun de la première scène. On a un feeling un peu déjà des personnages, tu sais. Puis du côté joueur, tout de suite en partant, le côté joueur de Andrew, tu sais, joué par Laurence Olivier. Parce que son personnage, c'est vraiment beaucoup le jeu, lui, qu'il aime. Il adore jouer, tu sais. Puis. Comme tu disais, c'est sa manière d'aborder Michael Caine dans la scène suivante quand il dit, comme ça, vous voulez marier ma femme. On voit tout de suite après son côté très british, intellectuel. Très aristocrate. Ouais, aristocrate, hautain, très, très sûr de lui-même. Qui s'aime tellement, mon Dieu, qu'il se considère comme un des meilleurs auteurs, qui a écrit les meilleurs romans policiers, au point qu'il s'est fait faire par un artiste des espèces de peintures ou des espèces d'œuvres d'art de chacun de ses romans qui représentent les tueurs là-dedans. Puis il est tout le temps en train de demander à quelqu'un qui dit qu'il a vu son roman, lequel est votre favori. Puis là, il laisse même pas le temps à la personne de dire sa réponse, que lui, il est comme « Ah, moi, mon favori, c'est celui-là. » Puis t'es comme « Oh my God, moi, la personne s'aime vraiment. » Puis t'sais, c'est comme... Je trouve que ça reflète bien ce genre de personnes-là, des espèce de gens au-dessus de la société qui se croient meilleurs que tout le monde, puis qui ont vraiment une espèce d'air fraîché, là. Puis je dis ça parce que j'en ai déjà rencontré, puis je trouvais que ça, dès que j'ai vu son personnage, ça me rappelait ces personnes-là, puis j'étais comme, ok, non, c'est vraiment ce genre de gars-là. Là. Puis je pense qu'il est vraiment déconnecté de la réalité, tu sais. Je pense qu'il doit vivre quasiment tout le temps dans son manoir. Son manoir, moi, je le trouve vraiment fascinant, là, visuellement, puis la manière que c'est décoré, tout ça. Comme je dis, c'est un mélange de jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux d'échecs, des jeux d'art, des jeux de ci, de ça. Même un jeu qu'il comprend pas, qu'il est en train d'étudier, là, comme il dit à Michael Caine, il dit touchez pas mes pièces pendant tout, ça m'a pris du temps à déplacer cette pièce-là de quelques cases, parce qu'il est en train d'étudier le jeu. Il adore les jeux de toutes les manières possibles, les charades, toutes sortes d'affaires. Puis en même temps, c'est ça, c'est un aristocrate qui a beaucoup de livres, beaucoup de vestiges de son passé, des prix. Il y a un prix sur une tablette quelque part, c'est que justement Michael Caine était sur le point de briser pour diverses raisons. Mais puis il dit non, touchez pas à ça, c'est un prix super important que j'ai reçu. Il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes de mannequins aussi. Les mannequins sont très importants, les gens de s'il y en a un qui est très important, qui est le matelot, dans le fond, qui rit. Un genre d'animatronique. Là. Sa maison, on dirait une espèce de fun house. Ouais. T'as vraiment comme des marionnettes, des pantins, des trucs musicaux. T'as plein de trucs qui s'animent de partout. Puis il y a tout le temps des petites télécommandes ou des petits pitons cachés pour faire interagir quelque chose de surprenant ou une surprise. Puis à un moment donné, je trouvais ça le fun parce que comme Michael Caine, à un moment donné, j'étais comme... Je sais jamais qu'est-ce qui va sortir, à quel moment. C'est un vrai petit farceur, ce gars-là. Puis je trouvais ça le fun parce qu'en même temps, ton film se déroule dans un seul endroit, un seul décor. Fait qu'il faut que tu trouves un moyen qu'à un moment donné, ça devienne pas redondant. Fait je pense que l'ajout de tous ces objets-là donne un peu de rythme, justement, au film. Puis c'est vraiment une bonne idée. Je sais pas si c'était même dans la pièce de théâtre exactement, mais en tout cas, pour le film, je trouve que ça fonctionne très bien, là. Ça devait être, c'est quand même possible de changer de décor, mais ça devait être quand même assez. Ça devait être moins. Ça soit moins élaboré parce qu'on passe, tu sais, dans le film du salon aux étages, à l'étage supérieur, on va au sous-sol, on va dans la cuisine. Mm-hmm. À chaque fois qu'on découvre une nouvelle pièce, moi, ça me fascine. Juste la direction artistique dans ce film-là, juste les décors, tout ça, moi, ça me fascine. Je trouve ça super beau. Puis chaque pièce représente vraiment la personne, comme il disait, tu sais, quand tu rentres dans la pièce de Laurence Olivier. Ben, tu le sais que c'est sa pièce parce qu'encore une fois, c'est juste des cordes puis des trucs qui ont rapport à ses romans puis à lui-même. Fait que, tu sais, c'est comme... Ah, dans sa salle de bain privée, ce que j'adore, c'est sur le mur à côté du bol de toilette, il y a mm-hmm. un crossword, un mot croisé sur le mur. Oui, c'est vrai. Que lui fait pendant qu'il est à la toilette. Au lieu de lire un journal, il fait un mot croisé. C'est tout le temps des jeux. Ce gars-là adore les jeux. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça. Mais tu dis que... Tu as dit quelque chose dans le genre, on le trouve drôle, ou on le trouve... T'as pas utilisé le mot attachant, mais moi, c'est le mot que j'utiliserais. Même si on comprend qu'il a quelque chose derrière la tête pour... qui n'est pas tout à fait net là, dans ses intentions, je pense qu'on s'attache quand même assez vite à Laurence Olivier au début, autant qu'on s'attache à Michael Caine. Je pense que les deux sont quand même très sympathiques, puis il y a quelque chose dans leur relation qui est de suite assez saisissante là, dès le départ. Puis j'aime autant les voir évoluer l'un et l'autre. Puis au début, tu sais, j'ai pas vraiment d'antipathie pour l'un ou pour l'autre. Là, j'aime les découvrir au fur et à mesure. T'sais. Moi aussi. Puis ça, la différence, j'aime la différence. J'avais oublié ça, ce point-là, que Michael Caine est un Italien. Ben, d'origine italienne, il est né en Angleterre. Il dit, mais son père est un Italien immigrant, pauvre. Michael Caine vient de la rue, tu sais. Un autre truc aussi que j'ai trouvé vraiment drôle, j'ai pas pensé à en parler quand t'en as mentionné, mais la scène des trois était labyrinthe. Je trouve ça drôle parce que, tu sais, on parle que le gars aime des jeux, puis dès l'intro, dès la première fois que Michael Caine s'en va pour le voir, c'est déjà comme un jeu, tu sais, c'est comme le gars, il est au milieu de son labyrinthe, puis il sait là qu'il y a pas de porte d'entrée vraiment à part lui qui ouvre la porte. Fait que Michael Caine fait juste tourner en rond, puis à pas savoir où ce qu'il est, puis l'autre s'amuse déjà avec ça, puis déjà là, ça nous met dans le bain des jeux, puis je trouve que ça reflète un peu tout le film, qui est une espèce de labyrinthe de jeux, puis que Michael Caine est un peu perdu là-dedans, puis je trouve que ça reflète un peu une certaine ironie qu'il va avoir plus tard dans le film, puis je trouve que juste la scène des trous reflète tout bien le film. Puis comme tu dis, c'est un jeu sans issue, parce qu'il n'y a pas de porte, à moins que Laurence Olivier ouvre la porte, qui est comme une haie qui tourne dans le fond, c'est juste lui qui connaît la sortie, t'sais, ou l'entrée si on veut. C'est ça qui est... C'est ça, c'est tout le temps des jeux un peu dangereux dans ce sens-là, tu sais, que tu peux... Tu sais, sans avoir la clé, sans avoir la solution, tu sortiras pas, tu sais. Exactement. J'aime aussi le générique, en fait. Avant cette scène-là, le générique, c'est justement les trucs que tu parlais tantôt, les genres de scènes qu'un artiste a reproduites, les scènes de des romans de du personnage de Laurence Olivier, qui ont été reproduites dans genre de petites maquettes en carton ou avec des petites figurines, puis tout, c'est super beau, je trouve. Puis le générique du début du film est juste, c'est juste, la caméra se promène sur ces affaires-là, puis c'est super, super beau. C'est un beau générique, mais je te dirais, ce qui m'a le plus marqué, c'est le thème musical que je trouve très bon du générique. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'étais en train de me dire, ça sonne vraiment comme un compositeur connu, puis finalement, quand j'ai vu le nom, mais j'ai absolument aucune idée de qui c'était, mais j'ai beaucoup adoré le thème. Ouais, son nom est John Addison. Je regarde sa filmographie en ce moment, puis il n'y a rien qui me saute aux yeux. Ouais. Non, pour faire une facile d'essayer d'être rapide, non, j'ai pas. Ça me dit rien. John Addison, en tout cas, c'est son nom. Mais c'est ça. En gros, la première heure, c'est ça. C'est ce duel-là entre ces deux gars qui aiment la même femme. En fait. Je dis qu'il aime la même femme. On comprend aussi que le personnage d'Andrew, de Laurence Olivier, a une maîtresse. Fait que c'est pour ça aussi qu'il est comme prêt à se débarrasser de sa femme, mais pas non plus sans s'assurer que l'autre est assez riche pour que sa femme ait une bonne vie. Là, il va pas la laisser entre les mains d'un tout nu. Là, d'un pauvre. C'est ça. C'est quasiment honteux, on dirait, pour lui. Il tolère vraiment pas ça. Fait que là, il va commencer une histoire, comme il dit, il va s'organiser pour que Michael Caine vole les bijoux. Puis, comme j'expliquais au début, c'est qu'il vole les bijoux pour que Michael Caine puisse revendre les bijoux éventuellement, partir avec la femme, puis vendre les bijoux, puis se faire de l'argent. Puis, tandis que lui, il pourrait, Laurence Olivier, ramasser le cash de l'assurance. Puis là, il va lui dire, bah, tu sais, là, tu pourrais te déguiser en quelqu'un, parce qu'il faut pas que les gens sachent que c'est toi qui as volé, puis tu sais, il faut que tu te déguises, puis il commence à trouver, il y a une malle pleine de déguisements dans son sous-sol, fait qu'il va sortir plein de déguisements. Puis cette scène-là est le fun, parce que premier déguisement qui sort, c'est super niaiseux, là. C'est un déguisement de bandit avec des rayures, tu sais. Puis un gros sac qui se marquait genre, je me souviens trop quoi, mais tu sais. Moi, je pensais quasiment au Dalton. Ouais, c'est quasiment ça, le même genre de costume. Dalton, ça fait très dessin animé, là. Puis même Michael Caine, il est comme. Ben oui, puis tu m'y es-tu autant aussi à appeler directement la police, puis écrire voleur sur mon front, puis. Puis Michael Caine sort à manier un costume de femme, puis il dit « Ah, tiens, je vais le faire en drag queen », puis commence à niaiser. Là, j'ai trouvé ça, cette petite touche-là intéressante. Puis éventuellement, ils vont s'entendre sur un costume de clown, qui est vraiment un costume ridicule, mais en même temps, il est super beau dans un sens. Là. J'aime ça, son costume. Mais... Oui. Puis ses estis de grandes chaussures, qu'il y a de la misère à marcher dedans, ça, j'adore ça. Il arrête pas de s'enfarger. Ah, j'adore la performance de Michael Caine. Je trouve qu'il montre beaucoup de nuances dans ce film-là. Puis déjà, juste dans cette première heure-là, tu vois toutes sortes de facettes de sa personnalité. Surtout dès qu'il met le costume de clown puis qu'il commence à essayer de reproduire la scène de vol pour aller voler les bijoux, à partir de là, ben, Michael Caine, il n'y a plus vraiment de dialogue, puis tout son jeu est vraiment physique, puis c'est un peu humoristique. Il va amener l'échelle, il va avoir de la misère à marcher avec, il va marcher tout croche, il va s'enferger, il va monter dans l'échelle, mais l'échelle, elle baisse en même temps qu'il monte, puis... Il va essayer d'ouvrir la vitre en haut, parce que c'est ça, le truc, c'est que chose, il monte à... Quand quelqu'un monte sur l'échelle, puis qu'il aille voler le coffre de bijoux dans le bureau en haut, fait que là, tu sais, il va essayer d'ouvrir la vitre avec son petit cutter, là, je sais pas trop, son petit couteau à vitre, là, puis il y a un genre de gomme, de truc en... C'est ça, un genre de truc gommant là, pour pouvoir arracher la vitre, mais ça y colle tout sur les gants, tu vois, tout. Le gant reste collé sur la vitre, en tout cas, puis une sorte de truc, là, une sorte d'affaire comique. C'est vraiment le fun. Ouais, fait que ça, puis... mais ça, la première heure, dans le gros, depuis tantôt je dis, c'est ça, c'est la relation entre les deux, puis on voit les deux personnages se dessiner de plus en plus, puis cette relation-là qui va virer au début de quelque chose d'assez courtois, vers quelque chose de plus du niveau de l'humiliation, parce que Andrew, comme je disais, il est pas tout à fait net, puis dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est humilier Milo dans un sens, pour en venir à quelque chose de plus dark, un peu vers le milieu du film, là, mais je sais pas, j'essaie de trouver des trucs à dire avant d'en arriver là. C'est difficile parce que tout le reste du film, ça a rapport avec le twist puis les twists. Fait. En même temps, moi, ce que je dirais, c'est que la première heure est vraiment intrigante parce qu'en tant que tel, tu sais pas trop où c'est que ça s'en va. Tu vois que le personnage de Laurence Olivier a quelque chose derrière la tête, puis c'est pas comme juste « Ah oh ouais, prends mes bijoux, puis va-t'en avec ma femme, puis gars, c'est correct. » Ouais. C'est pas le genre de gars qui tolérerait que quelqu'un vienne voler de quoi qui lui appartient. Puis on finit par le voir assez facilement, puis c'est... Je trouve que tout cet aspect-là est très réussi. Puis en même temps, les deux personnages sont suffisamment intéressants. Puis il y a une évolution qui commence et qui va se poursuivre, qui intéresse vraiment. Fait que je pense que moi, la première heure, j'ai vraiment accroché. J'étais vraiment intrigué de voir aussi que ça s'en allait. Puis c'est ça. En tant que tel, on peut pas vraiment dire plus que ça parce que le reste, c'est vraiment plus après qu'on va pouvoir en discuter. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai trouvé que le personnage de Laurence Olivier, à un moment donné, j'avais pitié, puis je parle pas forcément après la première heure, mais je me suis rendu compte que ce gars-là avait l'air terriblement seul, puis qu'il y a vraiment un problème avec lui-même. Il y a vraiment un problème psychologique. Il y a quelque chose qui fait pas avec lui, au point qu'il a besoin de rabaisser Michael Caine, qui est déjà quelqu'un de pauvre, puis qui semble pas avoir eu la vie tellement facile. Fait que, tu sais, comment tu peux en arriver à rabaisser quelqu'un qui est déjà pas quelqu'un de forcément plus haut toi en termes de personne dans la société, là? Parce que Michael Caine le dit souvent, son père, son arrière-grand-père, puis tout ça, ils sont vus comme un peu comme des moins que rien, là. Il y a jamais personne qui a vraiment fait de quoi dans leur vie, là. Lui est déterminé à faire de quoi de sa vie. Lui, il saisit cette occasion-là, pas forcément pour arriver à combler les besoins de la femme qui a besoin de beaucoup d'argent, puis dans le fond, on est juste en train de se dire, gars, fais pas ça pour elle, elle n'en vaut pas la peine si elle a besoin autant d'argent, là. Mais plus pour une question de lui-même, puis d'essayer de comment je pourrais dire, d'essayer de faire de quoi dans sa famille, d'arriver à faire ce que les autres n'ont pas réussi à aller au bout de quelque chose, d'être quelqu'un d'important, tu sais, de sortir un peu du milieu de la pauvreté. Puis en même temps, c'est super tordu parce que c'est un vol. C'est pas honnête. Ben c'est ça, c'est pas quelque chose de bien. Il n'y a pas de fierté à avoir, même si tu réussis à devenir riche ou à être plein d'argent. Je veux dire, tu l'as pas réussi de manière au point que tu vas être fier et d'en parler. Tu sais, je pense pas qu'il va aller voir son père ou peu importe quelqu'un de sa famille et dire « Hey gars, maintenant je suis rendu riche. » Puis « Ah oui, comment ça que c'était fait? » Ben j'ai volé les diamants. Puis... Tu sais, le gars, il est coupable de se laisser séduire par cette possibilité-là de faire peut-être 170 000 piastres. Tu sais. Puis... Mais en même temps, excuse-moi de te couper. Mais tu sais, en même temps, on le comprend parce que Laurence Olivier, sa manière de parler, tu vois que le gars, c'est un gros baratineur, il est habitué de. C'est un écrivain, puis il arrive à le baratiner tellement facilement, il offre ça vraiment sur un plateau, t'as pas besoin de rien faire, t'as même pas besoin d'essayer de trouver quelqu'un pour le revendre. Moi, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui va s'en occuper, il va te donner un bon prix, c'est sûr que tu vas avoir 175 000 livres, puis que tu vas avoir ça en espèces, puis tu sais, c'est vraiment comme tout cuit dans le bec. Fait tout que, est prévu. Temps, on comprend un peu que le personnage de Michael Caine soit aussi facilement tenté. Là. Ouais, puis qu'est-ce que je voulais revenir avec ça? Mais non, c'est ça, mais tu sais, dans le fond, ce que tu disais, il aime ça le rabaisser, il aime ça. Mais c'est un jeu, tout est un jeu pour Laurence Olivier dans ce film-là. Puis juste de voir l'autre être rabaissé, puis de se sentir lui-même de jouer le gars supérieur, le gars hautain, c'est un jeu. Au point qu'il se rende pas compte que ça peut avoir des conséquences. T'sais, lui, c'est vraiment comme. À travers ses yeux, c'est vraiment juste un jeu inoffensif parce que il y a personne qui meurt à ses yeux. Fait que c'est juste ça. Puis tu sais, il en parlait, il dit c'est plate parce que aujourd'hui tout le monde est assis devant la télévision puis qu'ils sont juste là à regarder, à rien faire. Tandis que dans le temps, quand il n'y avait pas de télévision, le monde n'avait pas le choix de s'amuser, de se divertir entre eux. Puis c'est ça que qui semble lui manquer. Puis tu sais, dans sa maison, il n'y a aucune télévision. Fait que tu vois que le gars, j'imagine qu'il y a des invités ou je sais pas qui, ou même avec sa femme, il doit juste s'amuser à faire des jeux puis jamais regarder la télévision. Là. Il y a des vieux disques. Des vieux disques, oui. Il y a un genre de système de son qui passe à travers la maison au complet puis il fait jouer des vieux disques de Cole Porter. Fait que c'est les seules chansons qu'on entend dans le film à un moment donné. Il mange du caviar. Il mange du caviar. C'est genre, j'étais comme, c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir une scène qui va manger du caviar, ça marcherait pas. Puis il sort une grosse bouteille de champagne à un moment donné, ça c'est plus tard dans le film, là, tu sais, mais c'est ce type de personnage-là qui, comme tu disais, il est seul, puis comme je disais au début, il est déconnecté de la réalité, il est déconnecté du monde extérieur. Ce gars-là, il vit juste dans sa maison, je pense. Qui est à l'autre bout du monde, qui a pratiquement aucun voisinage. Là. Puis c'est pour ça qu'au début, Michael Caine trouve ça insignifiant pratiquement. Qui lui demande, tu devrais te déguiser au cas où quelqu'un te voit. Ouais, mais qui? On est au milieu de nulle part. Il n'y a personne qui va me voir. Ça fait partie du jeu d'humiliation qu'éventuellement il déploie pour essayer de le détruire un peu, de le détruire moralement. Tu sais. Parce que c'est un conflit aussi entre les classes, ce film-là. C'est la classe aristocratique, comme tu disais, aristocrate anglaise. Puis le jeune, justement, qui vient de la rue, qui est pauvre, qui est coiffeur, qui fait une job que l'autre, il doit regarder en riant. Là, t'es coiffeur, tu sais. Coiffeur, c'est pour les gays, à cette époque-là. Ah, ben, tu vois vraiment qu'il voit ce job-là comme un mépris, mais ça aide surtout qu'il. Encore plus le fait qu'il soit italien, là, ça, on dirait qu'il prend pas pantoute, là. C'est ça. Non, c'est vraiment un truc sur les. Puis à un moment donné, plus tard dans le film, il dit aussi. Comment est-ce qu'il dit ça? Michael Caine dit, mon père avait, il a changé son nom de Tindolini pour Tindol parce qu'il voulait qu'on devienne anglais. Puis là, t'as chose, Laurence Olivier qui fait devenir anglais, puis il fait comme une face, dans sa tête, ça se peut pas, tu peux pas devenir anglais, tu le nais, tu l'es par naissance. Puis plus tard dans le film, il dit, c'est justement, la manière que c'est par en anglais, il dit breeding, c'est par le breeding, c'est l'élevage, dans le fond, c'est l'éducation, puis tout ça, tu sais, que la naissance et comment est-ce que t'es élevé, tout ça, qui fait que t'es un bon anglais, tu sais, t'es pas. Tu le deviendras pas juste en changeant ton nom, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est tout ce côté hautain-là que j'aime du personnage, puis qui est vraiment là, coriace, puis sournois, puis dur, tu sais, puis il est ratoureux, tu sais. Il faut jamais que tu comprends plus que le film avance qu'il faut pas que tu lui fasses confiance à ce gars-là, pas en tout, parce qu'il est prêt à tout, là. Tout pour avoir raison, puis avoir le dernier mot, puis... Non, effectivement, mais tu sais, même au début, tu finis par avoir des soupçons, puis à dire non, il y a de quoi qui te lâche, là, fait que... Ça n'a pas pris de temps que j'ai commencé à me méfier de lui et à me dire il y a quoi qui va pas. Moi, je ne le trosse pas en tout ce personnage-là. Je pense que là, on devrait passer tout au reste du film parce que c'est dur de parler du film sans parler. Ouais, parce que là, on va juste tourner en rond. C'est ça. Fait que si vous voulez voir le film sans connaître le twist, arrêtez tout de suite le podcast. Et peut-être que je pense que je vais enregistrer un petit quelque chose. Quand l'épisode sera monté, je vais enregistrer un petit truc qui va dire. Quand est-ce, à quel moment exactement le reprendre pour arriver à l'autre film. Fait okay. Alors donc, pour éviter tout spoiler, rendez-vous à 1h08 environ, à quelques secondes ou à la minute près, vous allez arriver tout près de la chanson du milieu de l'épisode. Dans tous les cas, que vous fassiez spoiler le film, ce que je ne conseille pas ou non, je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Mais pour ceux que ça ne dérange pas, continuez, on parle tout de suite maintenant du spoiler. Fait que, finalement, c'est ça, le Michael Caine va accomplir tout le plan de Laurence Olivier, il va se déguiser en clown, il va prendre les bijoux, il va voler les bijoux. Puis juste avant de partir avec les bijoux, quand il est pour descendre les escaliers qui mènent vers la sortie, Laurence Olivier va sortir un fusil. Puis... c'est ça, il va le pointer vers chose, puis là, c'est ça, Michael Caine va le supplier de pas le tuer, parce qu'il... Mais ça, c'est le bout de... C'est le au summum de l'humiliation, là, tu sais, parce que là, il est au pied des escaliers, puis il veut pas mourir, puis il pleure, puis il supplie Laurence Olivier de pas le tuer. Il est au pied, il est déguisé en clown, puis ses derniers instants, c'est qu'il va être tué, justement, déguisé en clown, en étant un voleur qui était venu pour voler des diamants. Tu sais, c'est comme, t'as pas de moyen aussi poche que ça, de mourir, puis c'est comme, tu t'es fait berner tout le long par ce gars-là, puis non, vraiment, c'est comme tu dis, c'est une humiliation totale pour lui, là. Puis en plus... un choc parce que lui se dit c'est fini là, je vais mourir. Fait que je pense que c'est plus qu'une humiliation pour ma part là. C'est pratiquement un choc là. Puis là c'est ça, il va finir par partir une balle dans la tête. Laurence Olivier va finir par tirer, puis Michael Caine va tomber au sol, puis là il y a un genre de fade in black, puis on arrive plus tard dans le film après ça. Fait que nous en tant que spectateurs, on a l'impression que Michael Caine est mort, puis on est pas sûr de rien du tout. Puis c'est là qu'on va voir après ça, justement, Laurence Olivier qui est là plus tard plus tard, on sait pas exactement quand ce que c'est. Est-ce que c'est plus tard dans la soirée, plus tard dans la fin de semaine? C'est ça, j'étais déstabilisé ce moment-là. Je suis comme spotlight, là. Je pensais que c'était quasiment la même journée. Fait moi aussi. Ça m'a comme fucké sur le coup, là. Mais après, j'ai comme fait, oh non, OK, il y a comme deux journées d'intervalle. On le voit, il est habillé tout propre, tout beau. Puis c'est là qu'il mange du caviar, puis qu'il boit du champagne. Mais en fait, il mange pas du caviar. Il essaye de manger du caviar. Ouais, il l'a mis sur sa toast, là. Puis il essaie de manger. Puis il y a quelqu'un qui vient sonner à la porte. Il va voir, il y a personne. Il revient s'asseoir à table, puis il essaie de prendre une autre bouchée, puis ça sonne encore. Puis c'est là qu'on découvre l'inspecteur Doppler. L'inspecteur Doppler... qu'est-ce que t'en as pensé de l'inspecteur Doppler? C'est quoi ta première réaction quand tu l'as vu, première seconde à l'écran? OK. Là, ce qu'on parle, c'est la deuxième partie, parce que le film est vraiment séparé en trois pour ma part. Okay. T'as la première heure, puis t'as les 45 minutes qui... 45-40 minutes à peu près de ce que j'ai pu en compte là. Puis c'est en temps réel, ça, en plus. Là. Je veux dire, c'est dans l'histoire, je pense qu'il mentionne à un moment donné, il dit « Ah, j'ai appelé les policiers, puis je lui ai dit de venir dans une heure, fait qu'il te reste à peu près 15 minutes. » Parce qu'il vient de se passer 45 minutes pour de vrai. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que je considère que ça, c'est la deuxième partie du film. Dans le fond, là, ça va être le moment d'un peu de suspense et de stress où il y a un inspecteur qui va venir chez Laurence Olivier pour essayer d'enquêter puis découvrir qu'il a tué Michael Caine. Bon, pas de niaisage. Ma première réaction, J'étais comme, déjà en partant, on voit des plans d'une personne qui marche, qui va vers chez eux sonner. Je suis comme, ah, ok, ça m'intrigue, où c'est que ça s'en va? Finalement, il finit par ouvrir la porte, puis on voit l'ombrage un peu de la personne. Puis j'ai même pas eu le temps de voir parfaitement le visage à la lumière que moi, j'ai tout de suite reconnu que c'était Michael Caine. Fait que ça, pour ma part, ça a gâché le twist qu'on est supposé découvrir à un moment donné. Fait que j'ai moins apprécié cette deuxième partie-là parce que tout le long, j'étais comme, ok, ouais, c'est un jeu. Je sais que c'est Michael Caine, puis je sais que t'es en train de le faire marcher, puis de jouer avec lui. Puis j'étais pas autant impliqué que j'aurais dû, j'imagine, à l'époque, parce que le maquillage est bien fait pareil, c'est pas si pire. Mais oublie ça, le visage, il y a de quoi, surtout les yeux, puis la manière de bouger que j'ai tout de suite reconnu Michael Caine, c'était impossible. Je dirais que les yeux surtout. Ouais, les yeux, tu sais, t'as beau mettre des verres de contact, ça n'a rien changé. Là. Puis, mais je pense qu'aussi un des problèmes de cette partie-là, parce que je te dirais que moi aussi, tu sais, je le reconnais, c'est que. Parce que nous, on l'a vu beaucoup. On l'a vu beaucoup, Michael Caine, on l'a vu vieillir à l'écran. On l'a vu dans plein de films. Tandis que le monde en 72 le connaissait pas tant que ça. Mm-hmm. Fait que ça pouvait aider de, tu sais, de pas être sûr, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble un peu, ou bien. Je sais pas à quel point ça a berné le monde, tu sais. Mais au début de l'épisode, tantôt, j'ai nommé les différents acteurs du film. Ça, c'est justement une des jokes du film. C'est qu'il y a juste deux acteurs dans le film. Puis c'est Laurence Olivier et Michael Caine. Tout le reste du générique a été inventé par C'était pour pas que le monde devine le twist, justement. Là, parce que, tu sais, si tu vois juste deux noms au générique, tu dis, ben, c'est sûr que c'est pas un inspecteur, c'est qui, lui? Puis... Fait qu'ils ont inventé le nom d'un acteur pour faire l'inspecteur de plat. Ils ont inventé le nom de Alec Cawthorn, qui est dans le générique. Puis il a sa propre page IMDB, puis tout. ils ont inventé le nom de Eve Channing, qui est un genre d'amalgame des noms Eve Harrington puis Margot Channing, qui étaient des deux personnages principaux du film All About Eve, qui était du même réalisateur. Fait que, non, c'est ça, ils ont inventé des noms. Mais je pense... Puis je veux pas... Tu feras bien ce que tu veux dans ta vie. Je pense que le film se regarde mieux une deuxième fois, puis après ça, troisième, quatrième fois. Quand tu sais le twist, puis tu focuses plus là-dessus pendant tout, tu fais « Ok, je sais que c'est lui, là. » Parce que, honnêtement, je focusais juste là-dessus, puis ça m'achalait, puis j'étais comme « Ça me surprendra pas. » Tu sais, c'est comme étaler un suspense sur de quoi que je connais déjà le dénouement, fait que... Du coup, j'étais comme, j'espère que le film va pas juste se terminer là-dessus. Parce que je l'ai mieux compris là, maintenant en le revoyant le film. Tu sais, j'écoutais la conversation au début du film, puis dans la première partie. Puis Michael Caine, il rit quasiment de Laurence Olivier quand il parle de l'inspecteur qu'il a créé dans ses romans, qui s'appelle Saint John Meridew. Puis qui dit ça existe pas des policiers de même, ça existe pas des détectives comme ça, c'est juste dans vos livres ça. C'est quelqu'un qui vient ici de faire une enquête, ça sera pas un policier comme ça, ça sera pas un genre de personne excentrique qui va tout trouver tout de suite, puis qui va c'est ridicule. Puis justement quand il arrive dans cette partie-là, puis il est déguisé en inspecteur Doppler, c'est exactement le genre de détective qu'il y a dans les romans de Laurence Olivier, tu sais, de son personnage. C'est ce genre de détective excentrique-là qui... Très Columbo. Moi, ça me rappelait un genre de Columbo qui a l'air naïf, mais qui finalement il est minutieux dans les détails. C'est puis... ça, tout Hercule Poirot, puis Miss Marple, puis tous les gros détectives de la littérature anglaise, puis c'est ça, Columbo, puis... Je vais pas dire le contraire, tu sais. Je dis que j'ai beaucoup moins apprécié la deuxième partie à cause de ça, mais... J'enlève rien à la performance de Michael Caine, qui est vraiment bon en détective Columbo, comme on dit. Puis même les gestes, les marches de côté, parce qu'il y a une grosse bédaine. Fait que, tu sais, il y a la démarche, puis il y a des manières de parler. Puis... Quand il descend au sous-sol, puis qu'il remonte, il est tout essoufflé en montant. Ouais, il est tout essoufflé. Fait que, tu sais, sa performance est vraiment bonne. Puis c'est vraiment juste une question de... Je me suis pas fait berner sur le coup, puis Non, ça, je comprends. C'est juste dommage. C'est pas que je veux faire forcément payer le film à cause de ça, mais veux pas, c'est mon sentiment que j'ai eu dans la deuxième partie. Ça m'a fait sortir un peu du film, alors que la première partie, j'étais quand même assez rentré dedans. Là. Non, mais c'est tout à fait justifié. Moi, c'est ça, moi, je fais juste... Tu sais, dire ce que j'ai ressenti cette fois-là, parce que je le vois maintenant plus adulte, puis je comprends certaines petites affaires que je comprenais pas avant. Puis que, c'est ça, je me... j'aime le fait que là, Michael Caine, cette fois-là, il niaise totalement, puis il fait payer justement par sa propre médecine, par son propre genre de détective que lui écrit dans ses romans, puis détective loufoque. Puis chose, il embarque, là, Laurence Olivier, au début, il a l'air un peu... Mais il embarque, là, tu sais, puis il va en venir vraiment à être super paniqué parce que l'autre, là, il c'est drôle parce que, tu sais, on découvre finalement, grâce à cette scène-là, que, tu sais, Michael Caine est pas vraiment mort, mais, tu sais... C'était des balles à blanc. Puis que... Mais c'est drôle, tu sais, il sait qu'il l'a pas tué, mais à un moment donné, on dirait que le policier arrive à le faire douter. Ben, c'est ça qui est, spécial, tu sais. Parce que ce qu'on n'a pas vu, nous, en tant que spectateurs, c'est qu'après s'être fait tirer dessus, Michael Caine, il s'est relevé, il a pris quelques drinks, là, puis il était complètement sonné, puis il a pris son char, puis il est parti. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, il sait qu'il est pas mort, mais en même temps, chose, il arrive à le faire douter, il dit... Il y a un truc, il y a de la terre, il y a un truc qui a été enterré dans sur votre terrain, puis j'imagine que c'est le corps, puis tout ça, puis il commence vraiment là, à le faire paniquer, là, puis à un moment donné, Laurence Olivier, il en peut plus, là. C'est moi, j'aime vraiment ça, ce bout-là, puis non, c'est ça, dans le fond, je sais pas trop. J'aime l'idée qu'il remette la monnaie de sa pièce en faisant le même genre de jeu. J'imagine que probablement je pourrais plus l'apprécier en le revoyant, en focusant pas sur le fait que c'est Michael Caine déguisé. Mm-hmm. Mais sinon, c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, il va finir par lui dévoiler son jeu, puis l'autre va se rendre compte qu'il s'est fait berner par Michael Caine. Et c'est drôle, parce qu'il fait encore une fois un peu son... j'ai eu des doutes là, à un moment donné, là, vers la fin. Il est tellement mauvais perdant, là, c'est incroyable. Ça n'a pas d'allure. Puis là, on arrive dans la troisième partie du film, que là, j'ai repris dans le film totalement, parce que Michael Caine lui réserve un autre jeu, mais un jeu beaucoup plus sérieux et... Et dark, là. Et c'est dark sombre. Et personnel, parce que... Il va faire réaliser à Laurence Olivier à quel point qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas juste de l'humilier, là, c'est vraiment... Il l'a changé, il l'a bouleversé, là, il était certain qu'il allait mourir, puis tu vois que Michael Caine, ça a l'air d'être quelqu'un que, mettons, il a vraiment pas eu la vie facile, puis il s'est sans doute fait humilier à plusieurs reprises. Fait que il va lui faire un autre jeu, et c'est là qu'il va lui mentionner qu'il a assassiné son amante à lui, qui s'appelle... Théa. Et que, dans le fond, qu'il l'a déjà tué, que son corps, il l'avait caché ailleurs que dans la maison, puis que la police l'a sans doute déjà découvert, puis que la police est en route et qu'elle devrait être là d'ici 15 minutes, et qu'il a caché 4 indices dans sa maison qui va le relier au meurtre. Fait que, dans le fond, il va s'amuser à lui donner des indices de qu'est-ce que sont les objets, puis à peu près où ils sont cachés, puis Laurence Olivier va devoir les trouver avec des énigmes, puis tout ça, puis... J'ai vraiment adoré ça parce que le film prend, comme tu dis, prend une tournure vraiment dark. Puis c'est vraiment comme un jeu d'enfant de rôle qui tourne vraiment mal. T'sais, il a dit, t'aimes ça les jeux? Ben, t'sais, en voilà un jeu. Ouais, c'est ça, il en donne vraiment un. Puis il dit, tu sais, ton jeu que tu me fais, là, c'est vraiment un amateur. Moi, je joue pour vrai maintenant. Puis tu vas voir c'est quoi un vrai jeu. Puis tu vois Laurence Olivier qui est paniqué, puis qui s'implique, puis vraiment, c'est comme en mode détective 101, puis Michael Caine n'arrête pas de donner des énigmes, puis des métaphores, puis toutes sortes de trucs pour essayer de lui faire chercher les objets. Puis moi, j'ai trouvé, tu sais, comme tu dis, ça se passe pratiquement sur un temps réel, puis un 15 minutes, puis moi, j'étais sur le bout de mon siège un peu, en quelque sorte, parce que j'essayais de deviner en même temps que Laurence Olivier, puis c'est comme, où c'est que ça pourrait être, qu'est-ce que c'est, puis... Comme tu dis, il sort des genres de charades, des poèmes, des trucs comme ça, pour lui donner des indices, puis ça veut pas dire grand-chose, des fois, puis c'est, il niaise au bout, tu sais, puis... Puis, encore là, ça montre à quel point le jeu de Michael Caine est vraiment brillant dans ce film-là, parce que lorsqu'on le voit, on découvre une facette de son personnage, ça a l'air d'être quelqu'un d'un peu naïf, mais en même temps, tu sais, il est intelligent, il sait parler, tu vois qu'il a des bonnes manières, puis c'est un personnage intéressant. Ensuite, quand il joue le personnage du policier déguisé, encore là, il joue une performance complètement différente, puis je le trouvais vraiment bon. Et là, on a encore une nouvelle facette de lui, une facette d'art, puis là, on a un Michael Caine en totale maîtrise de son nouveau jeu, puis c'est autant maîtrisé sinon plus que le premier jeu de Laurence Olivier, puis Michael Caine joue vraiment de manière sournoise et méchant, puis un autre point que j'ai adoré aussi, c'est que lorsqu'il annonce que son amante est morte, ben Laurence Olivier, en tant que tel, ne porte pas plus attention qu'il faut à ça. Ça ne l'a pas l'air de chambouler. Il ne peut même pas pleurer rien. Lui, il commence juste à paniquer puis à essayer de trouver les objets. Puis on dirait qu'il s'en fout totalement que la fille soit morte. Il pense juste à lui puis à se dire « Je ne vais pas aller en prison. Puis je ne vais pas me faire poigner. » Puis c'est à force de trouver des objets que de temps en temps, il va lâcher un petit « Ah, ma pauvre... » J'oublie tout le nom, la fille, ça n'a pas d'allure. C'était Théa. Théa. Théa, ah, pauvre Théa, parce que là, il a trouvé un de ses cils. Puis, c'est juste là que le personnage commence à montrer un peu quelques peu d'émotion puis de tristesse qu'il y a. Là. Fait que, je trouvais ça intéressant, parce que c'est encore là une évolution du personnage qui va aboutir vraiment vers quelque chose de plus surprenant vers la fin pour ma part. Là. Puis c'est tout le conflit entre les deux personnalités que j'aime. Puis tu vois que Milo, le personnage de Michael Caine, c'est pas quelqu'un que tu peux niaiser qui va se venger. Dans le fond, ce qu'on pensait pas, ce que Laurence Olivier pensait pas, c'est que lui, qu'il allait être aussi féroce, qu'il allait être un adversaire aussi féroce. Un chasseur, comme si Laurence Olivier c'était un chasseur un peu trop confiant en lui-même, là, qui avait pris une proie, qui avait comme piégé une proie, puis que la proie était vraiment en crise d'après lui, là, puis il est vraiment en colère. Le chasseur devient la proie et la proie devient le chasseur. C'est ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant, le retournement de situation de même, tu sais, puis il se rend compte qu'il a trouvé un égal, là, un adversaire aussi égal et peut-être même meilleur que lui, ce qu'il n'a jamais eu avant, tu sais. Mm-hmm. Tu vois que ce gars-là a tout le temps eu tout ce qu'il voulait dans la vie, mais cette fois-là, non. Là, tu vas manger. Désolé le langage, mais tu vas manger de la marde, là. Non, exactement. Puis, comme tu dis, Michael Caine est vraiment bon dans ce film-là. C'est... Mais je suis d'accord en y repensant que le bout de l'inspecteur est peut-être le bout inférieur du film. Mm-hmm. Moi, je l'aime en termes de performance d'acteur, mais c'est vrai que si le twist marche pas, c'est beaucoup moins bon. Mais comme je te dis, moi, avec les visionnements par après, tu le sais que c'est lui, il veut pas. Fait que, tu sais, ça doit être moins pire. Tu l'apprécies quand même, puis j'imagine que... Non, je sais pas. Tu sais, la pièce a été un gros succès aussi que je lisais, puis je pense que le monde devait l'apprécier quand même. Là. C'est pas nécessairement... Tout tourne pas nécessairement autour du fait que c'est un twist, puis que personne n'est supposé le savoir. Même si tu le devines, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas... Ça fait que le film est pas parfait, mais c'est pas non plus un échec non plus. Là, c'est loin de là. Puis comme je dis, j'ai adoré la première puis la troisième partie, puis j'ai moins apprécié la deuxième. Fait que globalement, j'ai beaucoup aimé le film parce que c'est juste 45 minutes sur 2h20. Puis parlant de la longueur, t'es-tu emmerdé? Jamais. Jamais? Jamais. Les 2h20... coule vraiment de manière très fluide. J'ai été étonné que ça passe aussi vite. Comme je dis, la deuxième partie, j'ai peut-être senti une petite baisse, puis à me dire je suis pas sûr, puis finalement ça a redécollé par la suite. Fait que non, j'ai trouvé que les 2h20 passaient très bien. Spécial parce que des fois il y a des films d'une heure et demie qui ont plein d'actions sur d'affaires qui peuvent te paraître super longs, qui peuvent paraître durer une éternité. Ouais, c'est ça, tu sais. Lui, celle-là, c'est juste deux gars. Deux gars qui jasent tout le long. Encore là, c'est une preuve que quand t'as un bon scénario puis deux acteurs très talentueux, tu peux faire un film qui peut durer 2-3 heures, mais qui va passer vite parce que c'est de qualité. C'est toujours la qualité qui fait la différence. Là. Sinon, tu voulais-tu parler de la fin ou ça, tu voulais laisser ça de côté? Bon, on peut en parler maintenant qu'on est dans une section spoiler. On peut... en parler. Moi, c'est le point culminant que j'ai vraiment aimé. Là. Je m'en souvenais plus que ça se finissait comme ça pour Michael Caine. Je pensais pas, moi, que ça se finirait comme ça. Je pensais pas que finalement, que son gros jeu de policier puis tout ça, que c'était une farce. J'avais vraiment pris ça au sérieux. Puis après ça, il explique... En tout cas, il l'a vraiment mis à terre, puis il est en train de dire qu'il va aller chercher le manteau de fourrure puis qu'il s'en va avec sa femme. Puis je pense que c'est à partir de là que là, le personnage de Laurence Olivier a été autant humilié, sinon plus, que le personnage de Michael Caine, puisque tu vois qu'il est quand même pas tant détruit que ça, finalement, Michael Caine. Ouais. Puis c'est là que tu vas voir que finalement, pour qui on dirait que sa femme valait rien, va valoir quelque chose, puis qu'il vole, dans le fond, la chose qui lui fait le plus mal et qui l'humilie le plus. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, parce que comme je parlais, moi, je le voyais comme un personnage très seul, qui avait vraiment des problèmes avec lui-même et qui se disait que, on dirait que dans sa tête, tu sais, qu'il peut pas perdre sa femme, c'est à lui. Puis qu'il allait faire en sorte de pas la perdre. Puis il pensait peut-être qu'en humiliant Michael Caine, c'était de moins facile de garder sa femme. Mais que là, finalement, ça marche pas pantoute, qu'il s'est fait humilier à son tour. Puis non seulement il va perdre pareil sa femme, puis qu'il prend plus. On dirait qu'il n'y a plus rien à perdre. Parce que si sa femme valerait autant rien, je veux dire, il n'aurait pas pris le risque à la fin de vouloir assassiner Michael Caine. Non. Non, mais je pense qu'il l'a toujours aimé, puis au début, tu sais, il mentait, là, en disant que ça le dérangeait pas, puis qu'il était prêt à lui la laisser, là. Mais tu sais, c'est là que tu vois tous les signes dans la première heure, tu sais, comme je disais, il y a des petits trucs qui faisaient en sorte que je suis comme, non, il y a de quoi douteux, parce que il s'en va dans la chambre de sa femme pour le truc de cambriolage, qu'il cherche des trucs, mais tu sais, la première pièce qu'il va, c'est ça, sa femme, puis il déchire des vêtements à elle, puis tu vois qu'il est juste enragé envers elle. Michael Caine, il dit quelque chose dans le genre, c'est pas moi qui est supposé faire ça, le saccage, là, non, puis... T'as plein de petits détails dans cette première-là qui te montrent déjà que ça y fait quoi, puis il y a quelque chose derrière ça qui va pas juste le laisser s'en aller avec sa femme facilement. Puis il y a un grand portrait de sa femme dans son bureau, puis tu sais, je veux dire, s'il l'aimait pas tant que ça, il l'aurait enlevé, là, il aurait mis celui de sa maîtresse ou peu importe. T'sais. Non, c'est ça exactement. Non. D'après moi, sa maîtresse, c'est vraiment juste... D'après moi, il a découvert que sa femme, elle avait... un amant, ce qui l'a vraiment comme bouleversé, puis il a juste décidé à son tour de jouer au jeu, comme à ses jeux de farce. C'est comme pour lui, c'était un jeu de séduction. Il a juste été chercher une amante lui aussi pour essayer de la rendre jalouse, parce qu'il se disait qu'en jouant au même jeu qu'elle, ben, qu'il pouvait gagner, parce que c'est pas le genre d'adversaire qui a l'habitude de perdre. Puis tu sais, au début du film, il se vante, avec mon amante, je suis un athlète olympique du sexe, puis ci, puis ça, tu sais. Puis à la fin, Michael Caine va lui dire, tu sais, que premièrement, Théa, son amante, est dans le coup. Tu sais, quand chose, il faisait croire qu'elle était morte, ben, c'était. Ouais. Elle aussi était dans le coup. Sa coloc était dans le coup, tu sais. Puis Théa, elle a dit à Michael Caine que finalement, Laurence Olivier était. Il était pas très, très bon au lit, même qu'il était même. C'est quoi le mot déjà? Je me rappelle plus exactement, mais. Merde. Ça, il n'arrive pas à avoir d'érection. Là, t'sais. Mais tu sais, tout pour que le personnage soit vraiment rendu écrasé comme une merde. Là. Ah oui. Mais c'est ça, il est tellement mauvais perdant qu'il va se relever, puis tout de suite, il essaie de penser à une excuse qu'il va dire aux policiers. Aux policiers. Parce qu'il prépare déjà, il sait qu'il va tuer Michael Caine, fait que t'es en train déjà de pratiquer son speech aux policiers tout de suite, t'sais, en sortant son gun. Ah, il est vraiment haïssable, ce personnage-là. Puis, oui, vraiment. Mais il est tellement bien joué que je suis fasciné. J'adore le voir. Laurence Olivier, c'est un acteur que j'adore. Oui. Il était dans Rebecca de Hitchcock. Puis c'est un gars que j'ai vu dans quelques films. Puis j'adore le voir jouer. Puis c'est ça. Mais en même temps, il est tellement haïssable. T'as envie d'y tordre le cou. Là, tellement qu'il. Parce qu'en même temps, tu te dis pas, c'est effroyable qu'est-ce qu'a fait Michael Caine, parce que c'est tout ce qu'il méritait, le gars. C'est ça. Fait que, on est plus du bord de Michael Caine que Laurence Olivier. Puis, pour moi, c'est ça. Le Limier, je trouve, c'est un duel entre deux grands acteurs qui sont vraiment au top de leur forme dans ce film-là. Ils sont incroyables. J'ai rien à dire contre leur performance. Puis, j'ai trouvé que c'était vraiment un film très entraînant malgré sa deuxième partie. J'ai beaucoup aimé les autres rebondissements. J'ai été surpris à plusieurs reprises. Et même si la réalisation est quand même subtile, il y a certains plans que j'ai bien appréciés. Tu as des travelling, puis de la caméra, des fois, se promène d'étage en étage à l'extérieur, de fenêtre en fenêtre. Je trouvais que ça donnait des beaux plans. Et, j'aime le montage, des fois, quand il fait des... Il fait des plans sur les mannequins, sur des trucs comme ça, les poupées, oui, et tout ça. Ça fait très... Moi, ça me rappelait... je ne sais pas si tu l'as vu, Tourist Trap. C'est un film qui a été distribué par Full Moon. C'était souvent sous-évalué comme film d'horreur. C'était mis de côté. Mais c'est un film des années 70, puis ça a maintenant une réputation de grand classique. Puis les mannequins ont une grosse importance là-dedans. Puis tu avais certains montages dans une maison où que tu voyais juste plein de mannequins, puis des souris, puis qui font des regards vers les personnages, puis ça me rappelait ça à certains moments, puis je trouvais ça vraiment cool. Non, je l'ai pas vu, mais c'est ça, ça fait que des fois, tu sais, ça, ils ont des regards... on dirait qu'ils jugent les deux personnages principaux, on dirait qu'ils les regardent en les jugeant, tu sais. Jean, à un moment donné, au point que tu dis, y a-tu un mannequin qui va se lever à un moment donné, j'ai cru, j'ai pensé comme 10 secondes, je me suis dit, hey, va-tu se réveiller ce mannequin-là à un moment donné? Je me dis, non, c'est pas pantoute ce genre de film-là. Mais j'ai beaucoup aimé. Je considère qu'il mérite son statut de classique. C'est pas un film parfait, mais c'est quand même un grand film que j'ai savouré, les 2h20. C'est quand même pas rien, là, 2h20, comme on disait. Non, c'est ça. Puis, mais j'aime ça, les huis clos tirés d'une pièce de théâtre, un peu comme ça. T'sais, comme tu disais, Bug, ça me fait penser aussi à 12 hommes en colère de 1957 ou 56 qui se passent tous dans la même pièce. T'sais, j'aime ça, ce genre de truc-là, de duel ou de combat d'acteurs, si on peut dire. Mm-hmm. Je suis un amateur aussi de huis clos, j'adore ça. Puis je trouve que c'est souvent le meilleur moyen de pousser les acteurs puis à se surpasser, parce que un huis clos... Oui, ça prend un bon scénario, des bons dialogues, mais avant tout, le principal, c'est tes acteurs. Si tes acteurs sont à chier, ton film est fini, ça ne marchera pas. C'est impossible pour ma part de rester un huis clos puis le rendre intéressant avec des acteurs pas bons. Puis je me rappelle, j'avais vu un huis clos, ça s'appelait Altitude. Je l'attendais beaucoup, ça avait l'air d'un huis clos dans un avion avec une gang de jeunes, puis c'était comme... HP Lovecraft avec des créatures dans le ciel. C'était pas avec Elisha Cuthbert? Non, c'était vraiment. Non, je connaissais pas les acteurs, mais les acteurs sont pourris, sont vraiment mauvais, puis ça l'a scrappé le film au complet. Fait que, tu sais, comme je te dis, si tu fous des acteurs pendant une heure et demie dans une même pièce, puis que les acteurs sont pas bons. Non, c'est ça, ça marche pas. C'est encore lié, ça marche pas. Non, je mélange deux trucs. Le truc avec Elisha Cuthbert puis un avion, c'est d'autres choses. Mais ouais, je l'ai vu celui d'Altitude, je me rappelle. Mais. Je pense que la première fois que j'ai entendu parler du Limier, c'était dans un documentaire. Quand j'ai vu un documentaire à un moment donné, une biographie de Michael Caine, c'était genre Canal D ou je sais pas trop quoi, il y a très très longtemps de ça. Puis Michael Caine, en tout cas, j'ai un vague souvenir de ça, mais l'anecdote, elle se trouve sur Internet, là, l'anecdote que je vais raconter. Mais Michael Caine disait que justement, tu sais, quand ils ont commencé le tournage du film, Laurence Olivier voyait Michael Caine comme un simple assistant. Là, c'était un simple acteur, pas important. Il était fin trentaine. Il avait 39 ans, je pense, Michael Caine, quand ils ont fait le film. Puis Laurence Olivier en avait genre 67, 68. Là, c'était vers la fin de sa carrière. Puis c'est ça. Laurence Olivier n'en pensait pas grand-chose. À la fin du tournage, il le voyait comme un égal. C'est ce qu'il a dit. Puis c'est ça, tu sais, quand ils se sont... Comme son personnage dans le film, pratiquement. Hein? Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Puis quand ils se sont rencontrés la première fois, Michael Caine était tout nerveux, puis il se présente, et il dit, « Monsieur Olivier, comment est-ce que je dois m'adresser à vous? » Il dit, « Tu dois me dire Lord Olivier, parce que c'était un Lord. Lord Olivier. Mais ça, c'est pour la première fois que tu vas t'adresser à moi. Après ça, je suis Larry, puis toi, tu vas être Mike. » Mais ils sont devenus ça. Ils ont développé un très grand respect l'un pour l'autre. Puis c'est le fun. Ça prouve justement tout le talent de Michael Caine. Puis on le voit dans ce film-là en 2h20, tout son talent. C'était encore un jeune acteur, entre guillemets. Comme je dis, à 39 ans, il n'était pas si jeune que ça. Mais il était relativement nouveau dans l'industrie. Puis, mais tu vois là-dedans qu'il. C'est un gars là, au très talent, prometteur. Talent immense. Là, ouais. Puis, ben c'est ça, Laurence Olivier, c'était un monstre du cinéma à ce moment-là, puis du théâtre aussi, puis c'est ça, lui aussi est excellent dans ce film-là. Moi, c'est un film que j'adore voir, que j'adore revoir, puis je me tanne pas. Ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu, puis j'ai eu autant de fun que sinon plus que les premières fois. Là, je pense que plus je vieillis à chaque fois que je le vois, je comprends mieux certaines affaires, tu sais, puis... Ah, comme tu disais, je suis curieux de voir le remake. Là. Le remake, en plus, c'est Kenneth Branagh qui l'a réalisé, puis c'est un gars que j'aime ses films en général, fait que autant en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur, fait que je suis curieux. Je vais probablement tenter le coup aussi. Ça m'a beaucoup intrigué, surtout que, comme tu disais, c'est apparemment un film très différent qui va aller un peu ailleurs sans reprendre les dialogues. Oui, ils ont demandé à un autre auteur d'écrire la pièce, d'écrire le film, puis il avait pas vu le film original. Je pense qu'il avait juste lu un synopsis de la pièce, quelque chose comme ça. Puis, Ben, tu sais, c'est encore mieux. Dans le fond, on va voir un remake, mais ça serait plus comme un reboot qui est complètement différent. Fait que c'est comme voir un nouveau film. Fait que c'est puis Jude, une bonne chose. Jude là, c'est un excellent acteur. Je suis curieux de le voir dans ce rôle-là de Milo. Mm-hmm. Puis de voir Michael Caine faire le rôle inverse, de faire le rôle de Laurence Olivier, ça va être intéressant aussi. Fait que je suis curieux. Sinon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui. OK. Ben, je cherchais aujourd'hui une chanson à mettre par rapport au film, puis j'ai pensé 2 secondes à des chansons de jalousie masculine. Puis j'ai pensé à mettre Jesse's Girl de Rick Springfield, qui est une chanson d'un gars qui est jaloux de la blonde de l'autre. Fait que c'est un peu vaguement sur le même thème. Fait qu'on écoute Jesse's Girl, puis on revient tout de suite avec notre discussion sur Jaws 4. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Aujourd'hui, notre nana en navet, c'est évidemment Jaws 4, mais en fait, on dit Jaws 4, mais c'est aucunement écrit ça sur la pochette. C'est Jaws the Revenge, pour que ça soit plus épique, évidemment. C'est réalisé par Joseph Sargent. Il n'a pas fait vraiment d'autres films que je connais, personnellement. C'est un film de 1987, ça met en vedette Lauren Gary, Michael Caine, Lance Guest et Mario Van Peebles. Celui que je connais le plus avec Michael Caine dans le film. plusieurs années ont passé depuis les attaques meurtrières du grand requin blanc dans la petite station balnéaire d'Amity. La veuve du shérif local, Hélène Brody, et ses 2 fils, Sean et Michael, ont refait leur vie. Mais le grand requin blanc frappe une nouvelle fois et entraîne Sean au fond des mers. Bouleversé par la mort de son fils, Hélène décide d'affronter seule le monstre et de mettre un terme à la malédiction du requin blanc. Rejointe par son ami Augie et son fils Michael, ils viendront à bout après de multiples rebondissements de la terrible créature. La malédiction. Ok. Sais-tu comment je voulais commencer mon synopsis, puis j'ai complètement oublié, en fait. Comment? En fait, je voulais faire comme... Après que l'âme de Michael Myers ait été transférée dans celui d'un requin... Ou le genre de petit démon Jason dans le neuvième, là. Ouais, ouais, un petit démon Jason. Le vert, là, qui se promène d'un corps à l'autre, là. T'es arrivé dans le requin. Fait qu'on écoute... ton histoire avec Jaws? Ah, t'as peur, on va écouter un extrait du film? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, ben tu dis pas ça. Et bon, attends, je suis tout perdu, là. Je vais juste le dire. OK. Fait qu'on s'en va écouter un extrait du film et on revient tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, je vous connais à peine. Quelquefois, il est plus facile de se confier à un étranger. Je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose que je ressens. Et je me fie toujours à ce que je ressens, moi. Je crois que je deviens folle. Tous ces cauchemars... Cette mort était un accident. Ce n'était pas un accident. Non, je ne dis pas que vous avez tort, non, mais je dis qu'il faudrait peut-être envisager d'autres possibilités. Quand ce requin a tué Sean, j'ai su que c'était son choix, un choix délibéré, je l'ai su. Et je sais qu'il va venir. Je sais qu'il va revenir. Combien coûterait une promenade dans votre avion? Il y a la mer qui monte, grand-mère. Elle monte vite, viens! Ça dépend de l'endroit où vous voulez aller. C'est sans importance. Dépêche-toi! Au petit bonheur? C'est ça, au petit bonheur! Oh, ça monte! Oh non, non! Alors, mon cher Jeff, quelle est ton histoire avec ce fameux Jaws 4? Elle n'est pas très longue. Je pense que je l'avais juste vu une fois. Puis c'était très vague. Là. J'avais une image dans la tête de la finale, là, qui, c'est pas, avec l'hélicoptère, l'attaque sur Michael Caine avec l'hélicoptère à la toute fin l'avion. Du film. Non, l'avion. L'hélicoptère, c'est dans Jaws 2. T'as raison. Avec l'avion. Puis, mais c'est ça. J'ai tout le temps préféré les deux premiers. Le 3 puis le 4, c'était très très vague dans ma tête. Puis là, ben, c'est ça, en fin de semaine, je les ai revus tous les 4 en 2 jours. Fait que c'était très frais dans mon esprit. Pis, marathon jazz. Puis, mais c'est ça, moi, ben, tout de suite, je l'ai écrit sur Facebook. Puis j'ai tout de suite vendu mon opinion que le 3, dans les 4 films, le 3, c'est le pire pour moi. Je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais le 3, c'est le pire pour moi, c'est de la grosse merde. Le 4e, j'ai trouvé quelques petites qualités, là, sont rares, là, mais ça aussi, c'est une grosse bouse merdique, là, mais puante. Là, mais toi, ton histoire avec le 4, c'est quoi? mon histoire avec le 4, c'est en fait, j'ai vraiment grandi avec Jaws 4 et non Jaws 1. J'ai vu Jaws 1 vraiment plus tard et lorsque j'étais jeune, j'ai découvert, comme je disais, Evil Dead, Chucky et ce Jaws 4-là qu'on m'avait offert en VHS enregistré à la télévision. Et c'est probablement le Jaws que j'ai le plus écouté dans toute ma jeunesse. Je l'ai vu plusieurs fois, ce film-là. Enfin, je le connaissais quand même assez bien et... En grandissant, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu, je l'ai racheté en DVD, je l'ai revu, j'ai comme fait c'est pas le souvenir que j'avais dans ma jeunesse. Fait que c'est juste ça ma plus grande histoire, c'est que c'est sans doute le Jaws que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Moi, le premier, ça reste un chef-d'œuvre parfait. Je l'ai écouté en fin de semaine puis j'étais sur le bout de mon siège. Le premier, c'est comme tu dis, c'est un chef-d'œuvre puis c'est veux pas, c'est le commencement du blockbuster, si on veut. Oui. Puis c'est encore une fois le roi. Je veux dire, ce film-là est d'une. Tu sais, d'une perfection à mes yeux. Une mise en scène impeccable. Impeccable. Tu sais, les petits. T'sais, avec tous les problèmes qu'il y a eu, tout le monde connaît ça, les documentaires qu'il y a eu à Canal D, puis tout ça. Tourner Jaws, ça a été l'enfer. Vraiment, tourner l'enfer. Ça a été un mal pour un bien, parce que ça a servi au film de ne pas montrer la bête tout de suite. T'sais. Exactement, c'est ça. Puis malgré tous les problèmes qu'il y a eu, le film a été un succès planétaire incroyable. Et aujourd'hui, après plus de, je pense, 40 ans, je suis plus certain. Moins 40 ans cette année. 40 ans, pour ma part, le film n'a pas pris une ride. Et la peur qu'il m'a donné de pas être capable d'aller nager, même dans un lac, mais dans la mer, tout ça, sans avoir peur qu'une bouche... Le fameux plan de la caméra qui a déjà été vu dans Creature from the Black Lagoon auparavant, c'est pas forcément Spielberg qui a débuté, mais c'est Spielberg qui a créé cette peur-là avec Jaws, et moi, ça m'a marqué toute ma vie. Puis même aujourd'hui, je suis pas capable d'aller me baigner dans une mer ou océan, peu importe, sans me dire qu'il y a une grande bouche qui arrive vers mes jambes. Dans un lac, t'es correct? Non. Non? OK. Non, même dans un lac, je me dis pas forcément qu'il y a un requin, mais n'importe quel... Ça me crée une phobie, des okay. créatures marines. OK, à ce point-là. Okay. T'sais, ouais, vraiment à ce point-là. Puis lac placide, t'sais, je me dis, ah oh, ouais, il y a peut-être un crocodile dans le lac qui va me dévorer. Mais c'est drôle. Ce que je me dis le plus souvent, c'est une pieuvre. Une pieuvre vraiment géante, le genre de calmar puis qui va m'attaquer avec cette attaque-là. Mais... Ouais. C'est fantaisiste, mon affaire. Non, mais je peux comprendre. Mais... Je peux très bien comprendre. Puis le deuxième, moi je le vois, tout le monde, c'est rendu un cliché de le dire, mais tout le monde le voit comme un slasher, puis c'en est un. Là, le requin, il fait juste tuer pour tuer, et non pas pour se nourrir tant que ça. Là. Mais le 2, je le trouve très le fun. Je l'ai trouvé moins le fun que dans mes souvenirs en le revoyant. J'ai trouvé qu'il y avait une petite longueur, mais... C'est pas une aussi bonne suite, je trouve, que qu'est-ce qu'on en disait avant, mais c'est un bon film. C'est quand même une bonne séquelle. Moi, je pense que c'est le premier que j'ai vu dans la série, puis ça a été longtemps lui que j'associais à Jaws. Quand je voyais le titre, je pensais que c'était... je voyais des images du 2 dans ma tête, avec la finale, avec le truc électrique, puis tout. C'est parce qu'il y a quand même certains moments qui sont cons, tu sais. Puis je pense que la scène qui revient le plus souvent, c'est la fille sur le bateau. Avec le bidon d'essence, qu'elle s'en renverse partout sur elle-même, puis elle va tirer un gun à flare, puis elle va se faire sauter avec le bateau. C'est comme... la scène est vraiment digne d'un anor un peu. Là. Elle est vraiment drôle, puis t'es pas supposé rire en temps normal. Fait que... Puis le 3, ben on en parlera peut-être tantôt, mais c'est. Ok. Ben, je sais pas, on peut en parler tout de suite, mais c'est comme le 3. OK. Ben, moi, pour moi, je vais tout de suite vendre mon opinion. C'est pas Jaws 3 le pire, maintenant, c'est le 4. Parce que le 3, ce que le monde dit la plupart du temps, puis pourquoi il aime vraiment pas le 3, c'est les effets 3D. Et je peux pas dire le contraire, les effets 3D, même quand c'est sorti, c'était déjà ça a déjà pris une ride, j'imagine. Tu te tires dans le pied en faisant un film 3D. Ouais, non, c'est ça, tu te tires dans le pied. Parce que si la personne n'écoute pas en 3D, c'est de la grosse merde. C'est minable, là. Puis par moment, le requin, on dirait que c'est juste une image, un carton, puis qu'il avance, puis de la queue. Juste son attaque finale là, sur la base, là, quand il s'en vient, puis qu'il fonce dans vite. Dans vite, là, oui. Ah, mais c'est affreux. Puis quand il meurt, le requin, quand il explose, tous les morceaux du requin qui arrivent dans l'écran, c'est affreux. C'est un cartoon. C'est, comme je dis, tout ça, c'est raté. Je le comprends. Le film est quand même long, il y a des longueurs, c'est vraiment pas... C'est pas un bon film à la base, mais il contient un peu ce qui faisait, pour moi, la formule de Jaws 1 et 2. C'est un blockbuster estival. C'est un film que le monde allait voir au cinéma l'été, donc faut que tu sois dans l'ambiance d'un film d'été. Fait quoi de mieux qu'un gros parc aquatique? T'as tout le temps de quoi qui te ramène à ça, puis que je trouve que ça procure une petite ambiance agréable de justement estivale. T'as tout le temps des shows de monde qui font du ski nautique un par-dessus l'autre, puis t'as des tuyaux marines pour visiter, puis tout le décor. Moi, c'est plus ça qui m'intéressait que le requin lui-même. Là, on finit par s'en foutre, mais tout ce côté-là estival, je le trouvais le fun. Puis je me rappelle, ça fait quand même une couple d'années, mais j'avais racheté le 2 puis le 3 en DVD. Puis lorsque j'écoutais le 3, j'étais comme, c'est pas un bon film, mais mon Dieu, j'aime ça que ça se passe dans une place aquatique. Puis je suis capable d'apprécier ce petit côté-là du film, malgré le fait que c'est pas une bonne suite, c'est pas un bon Jaws. Mais je sais pas, pour moi, c'est pas une torture écouter ce volet-là. Là, c'est pas la fin du monde. Là. Mais tu sais, en même temps, je comprends ton point, puis je pense que c'est là qu'on se rejoint pas, parce que moi, c'est... moi, ça me fait rien, tu sais, le parc aquatique, j'en ai jamais visité dans ma vie, puis ça m'intéresse pas vraiment. Fait que, tu sais, moi, ça vient pas me chercher, ce côté-là, puis j'aime mieux la petite ville balnéaire, tu sais, la petite... avec les plages, tout ça, dans les deux premiers films, tu sais, j'aime mieux ce côté-là que... Ouais, mais sauf que c'est pas forcément juste une question de parc aquatique, parce que, comme je dis, dans les deux premiers, c'est... t'as pareil le côté été, ça fait très été, très estival. Oui. Tandis que dans le 4... je sais pas à quoi les scénaristes ont pensé, mais ils ont situé leur film, premièrement, dans le temps de Noël. Ouais. C'est gris, il fait froid, tout le monde a des manteaux. Ben, au début, là, après ça, ça va, on s'en va aux Caraïbes. Ben, aux Caraïbes, mais même les Caraïbes, ça n'a pas l'air chaud. Là. Je veux dire, ouais. Je pense que c'est la plus mauvaise publicité des Caraïbes que tu pourrais voir, ou les Bahamas. Là, où les Bahamas, oui. Mais c'est, ça donne pas envie d'aller là, c'est pas... C'est mal mis en scène, puis c'est surtout mal photographié. La photographie est fade du cadre. Je le revoyais hier, puis je revenais pas. J'étais comme, c'est laid. Mais on dirait un film pour la télé. On dirait un film pour la télé, mais c'est vraiment une photographie grise. T'sais. Je veux dire, même au Bahamas, ça fait sombre. C'est rarement très, très ensoleillé, puis éclairé. Puis... Moi, je vais pas passer par quatre chemins. Ce qui m'a le plus déplu dans ce jazz-là, puis il y en a plein d'éléments, mais c'est le côté maussade de ce film-là. C'est comme, c'est plus un film de fun que tu vas voir en blockbuster. Je sais pas si tu es allé au cinéma, ça, là, mais que tu vas voir au cinéma l'été, puis tu as du fun, puis c'est un film d'été, puis tu as quasiment envie d'aller te baigner après. Non, c'est un putain de mélodrame super lourd, mais c'est que ça se prend tellement au sérieux. Puis les personnages sont tout le temps en train de pleurer. La mère de Michael, Ellen Brody, là-dedans, là, tout le long du film, je pense qu'elle ne fait même pas un sourire pratiquement. C'est à part une petite scène avec Michael Caine. Mais tout le long du film, elle fait juste brailler. Puis c'est lourd. Puis c'est... Moi, ça me déprimait. J'étais comme, oh, come on, je suis pas venu voir un gros drame lourd, là, je suis venu voir Jaws, puis ton film s'appelle Jaws the Revenge, là, comment tu veux que je prenne ton film au sérieux avec un titre de même, tu sais, déjà en partant, Jaws the Revenge, la revanche de qui, c'est la revanche du requin, la revanche d'Hélène Brody? Avant qu'on en vienne à ça, la malédiction, la revanche, moi c'est ça, moi, par là, je parle des petites qualités, moi, c'est ce côté-là que j'ai aimé, la performance de Logan Gary, j'ai rien contre ça, parce que j'ai trouvé que sa manière de vivre son deuil, j'ai trouvé ça assez réaliste. La manière qu'elle a d'être la grand-mère qui avant était une femme, était une mère de famille, qui maintenant est rendue juste la grand-mère qu'on trimballe d'un côté puis de l'autre, puis qu'on sait pas trop quoi en faire, puis qu'elle trouve plus vraiment sa place, tu sais, qu'elle essaie d'avoir du fun avec sa famille, avec ses petits-enfants, puis toute sa petite fille, je veux dire, puis qu'elle n'est pas... tu vois qu'elle s'ennuie de son mari, elle s'ennuie de son fils, puis elle est tout le temps en train de parler du passé de ses enfants. Hey, lui, quand il avait 5 ans, il faisait... Michael, quand il avait 5 ans, quand il avait 6 ans. Et tu te rappelles-tu quand Sean, il avait 4 ans, il faisait ça? Puis, tu sais, j'en ai vu des femmes qui étaient nostalgiques, qui sont des veuves ou des trucs comme ça, puis ça agit exactement pareil. Fait que ça, je trouvais que c'était super bien amené, là. C'était bien présenté. Mais c'est vrai que ça alourdit le film, ça, je suis tout à fait d'accord, tu sais. Dans Marty, d'avoir une mère qui était mélodramatique, qui était veuve, avec une matante qui était veuve aussi, ou je sais pas trop quoi, ça c'était approprié, tandis que là, ça alourdit le film qui est supposé être un film d'été, tu sais, comme tu dis. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est quand le film se trouve, sauf sur la mort de Michael qui va se faire attaquer parce qu'il est bouillé, qu'il y a une bouée qui se fait... qui est entraînée, puis qui est comme bloquée, puis il faut absolument qu'elle la déprendre. Puis le requin va l'attaquer là, parce que le requin savait qu'en coinçant la bouée, le Sean allait venir, je sais pas. Puis la scène d'attaque est tellement conne que ça donne tout de suite les couleurs du film. C'est stupide, parce que le requin va l'attaquer, va y bouffer le bras. Ça va prendre 10 secondes, si c'est pas une minute, au personnage à réaliser qu'il manque un bras. Il a même pas mal. C'est comme... Là, il se réveille. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oh, mon bras! Ah, mon bras! C'est comme... Aïe, aïe! Puis, à chaque fois que le requin revient à l'attaque, c'est juste une espèce de montage ultra rapide, cut de bouche, d'eau, de dents. L'attaque est tellement mal mise en scène que c'est raté. Moi, cette première scène-là, déjà en partant, je suis comme, oh boy, ok, ça donne toutes les couleurs du film, c'est vraiment pas bon. Ah, ouais, je suis d'accord. Mais si on en vient, si on parle de la revanche, ça revanche de quoi, là? Ce requin-là, là, c'est qui? Dans le premier film, le requin est mort. Dans le deuxième film, le requin est mort. Dans le troisième film, ben ça compte pas parce que le quatrième, il se calisse du troisième film. Ouais. Il, ça compte pas, tu sais. Pour les événements du quatrième film, le 3 est jamais arrivé. Fait que, tu sais, ce requin-là a aucun... il sort d'où? Il se mange de quoi? T'sais? C'est quoi cette malédiction de merde que les scénaristes ont inventée? Je sais pas. Le requin est vraiment après eux. Puis tu sais, là, ensuite, après tous ces événements-là, Michael va proposer à Hélène de venir au Bahamas, ça va y changer les idées, puis venir profiter un peu du beau temps, puis pas de rester tout seul à M&T, puis à déprimer. Elle trouve que c'est une excellente idée, puis elle va décider d'y aller. Fait que, imaginez, là, on est à M&T, je sais pas c'est où exactement cette ville-là. C'est en Nouvelle-Angleterre. OK. Puis là, il s'en va au Bahamas, en avion. Fait qu'il faut savoir que le requin s'est rendu aux Bahamas. Oui. Pour aller attaquer. Parce que le requin, déjà partant, il savait qu'ils allaient aux Bahamas aussi. Il y a un bon odorat pour les suivre, en tout cas. Oui, il y a un bon odorat. Puis... T'sais, moi, c'est ça qui me renverse. Malgré que le 3 soit pas un bon film, puis que le 3D soit raté, le scénario tente de garder une certaine cohérence. Dans le 4, là, on dirait que c'est un enfant de 12 ans qui a écrit le film. C'est d'une stupidité sans nom. Puis là, encore là, on n'a même pas tout dit. Là, parce qu'il y a d'autres choses qui sont encore pires que moi, ça. Moi, le troisième, c'est la réalisation que j'aime pas. Puis tous les effets spéciaux, tout ça. Le scénario, ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est, dans le générique, c'est marqué que c'est écrit par Richard Matheson. J'étais comme, what? Richard Matheson, le gars qui a écrit I am Legend, je suis une légende, qui a écrit, L'homme qui rétrécit des années 50, qui a écrit des tonnes de romans de science-fiction puis de scénarios de science-fiction, puis c'était un des plus grands auteurs de science-fiction de sa génération, qui a écrit le 3, mais c'est comme tu sais, puis je pardonnerais pas au 3, justement, ses effets spéciaux de marde, puis son plan final avec les deux dauphins de Sonata. Non, ça marche pas, non. Puis, en tout cas, mais le 4, c'est le côté humain que j'ai aimé, mais tu sais, pour revenir au 4, justement qu'ils partent pour les Bahamas, il y a un moment donné dans la cuisine, après que Sean soit mort, Hélène Brody a dit à Michael, a dit « Là, je veux plus que tu retournes dans l'eau, le requin, il a tué ton père, il a tué ton frère. » Puis là, Michael dit « Oui, mais pas, il est mort d'une crise cardiaque, il est pas mort par le requin. » Puis plus tard dans le film, quand ils vont rencontrer Michael Caine, tout ça, puis à un moment donné, elle va y parler de tout ça, de sa famille, comment est-ce que tout le monde est mort, tout ça. Là, plus tard, on a Mario Van Peebles, on a Lance Guest, puis Michael Caine dans un avion. Puis là, Michael Caine, il explique, ouais, il dit, Hélène, elle dit que, elle pense que le requin, il vient se venger, il veut tuer toute votre famille, il dit que c'est, elle pense que c'est le même requin qui a tué ton père, puis qui a tué ton frère. Puis Michael, il le reprend pas, là, à ce moment-là, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque de constance dans le scénario, parce qu'au début, on nous dit clairement que le père est mort d'une crise cardiaque. Mais là, à ce moment-là, quand Chose il dit « Hélène pense que c'est le même requin qui a tué ton père et ton frère », Michael, il non, dit... non, mais c'est parce que au moment où que la personne dit au début que son père est mort d'une crise cardiaque, elle précise qu'il est mort à cause de sa peur des requins. Ouais. Fait que dans le fond, notre personnage principal du premier film, qui est un personnage mémorable et qu'on se souvient tous et qui était aussi présent dans le 2, la manière qu'ils ont eu la plus intelligente de s'en débarrasser pour le quatrième film, c'est qu'il a fait une crise cardiaque parce qu'il avait peur. C'est comme... Ben, okay. Sur IMDB, il marquait que Roy Scheider, il disait... comment est-ce qu'il disait ça? Il dit même Satan lui-même pourrait pas arriver à me convaincre de... Ah, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a marqué ça, parce qu'il n'y a rien au monde qui pouvait le convaincre de jouer dans le Jaws 4. T'sais. Ben, je comprends, surtout s'il y a eu le scénario. Mais c'est ça. Puis, tu sais, juste pour une petite note là-dessus aussi, Michael Caine, ça n'a pas été compliqué. Il a lu le scénario. Dans une des premières pages, c'était écrit Fade in, deux petits points, Hawaii. Il a fait OK, c'est beau, je le fais. J'ai tout le temps voulu faire un film à Hawaii. c'est la raison. Une chance que Michael Caine et Mario Van Peebles sont présents parce que c'est les deux personnages qui vont apporter un petit peu de lumière dans ce film-là, un petit peu de joie et de fun. C'est deux personnages que j'aime bien. Surtout Mario Van Peebles, je trouve vraiment le fun là-dedans. En même temps, moi, je ne trouve pas sur son accent. Je pense que c'est donné un accent de gars des Caraïbes ou Jamaïcains, je ne sais pas trop quoi. Ah ben, Eman! Oh boy! Je l'ai réécouté en français parce que c'est un film que j'ai écouté juste en français depuis ma jeunesse. En l'écoutant en anglais, puis c'est Eman! Ça m'aurait peut-être gêné parce qu'en français, il dit jamais Eman. En tout tout cas, je sais pas si c'est un accent qui s'est donné parce que j'ai. Mario Van Peebles, je le connais surtout pour New Jack City, puis New Jack City, je l'écoute en version québécoise, là, mais. Je peux pas vraiment dire ça. Mais je pense pas que c'est cet accent-là pour de vrai. Je pense qu'il s'est donné un accent pour Jaws 4. Possible. Puis. C'est drôle, hein, parce que Michael, tu sais, là-bas, tu vois que sa job, c'est d'aller sous la mer. d'aller sous la mer, puis faire des photographies ou je sais pas trop. Puis, entre-temps, c'est un artiste. Puis. sa blonde est une artiste. Ouais, c'est mais lui aussi, en fait. Ouais, puis peut-être, ouais. Okay. La manière qu'il en parlait, parce que quand il ouvre la porte du garage, il montre sa culture à lui. C'est pas ça. Non, sa culture de sa femme. T'es sûr? Parce qu'il me semble qu'il avait l'air de le préciser. En tout cas, la sculpture, elle l'aide déjà en partant. C'est la même sculpture qu'ils vont présenter plus tard dans le film, que la ville va présenter. Il va dire, tiens, on a demandé à Carla Brody de... Ah, OK. Tu sais, ce que là, elle a peinturé rouge pour la présentation, mais au début... Mon Dieu, ils ont présenté ça en plus. Tu l'as vu, cette scène-là, oui. Ben, c'est drôle, je me rappelle pas. OK. Mais, tu sais, je veux dire, quand tu regardes ce plan-là, ça ressemble à rien, mais après, t'as le personnage de Michael qui se met derrière pendant qu'il parle à sa mère, puis là, on voit juste son visage à travers le rond. Puis là, j'ai comme saisi que le réalisateur essayait de faire comme une genre de bouche de requin, là. Ouais. J'ai comme fait, OK, non, ça marche pas, ton affaire. Moi, j'haïs pas l'acteur qui fait Michael, c'est Lance Guest, il jouait dans le Last Starfighter, c'était le personnage principal. J'haïs pas ce gars-là, je le connais pas tant que ça. Il a pas eu une longue carrière non plus. Ben, tu sais, il a eu, je pense, une grosse pause dans sa carrière. Puis récemment, il a joué dans le film Late Phases, que j'ai pas encore vu, mais. Mais honnêtement, j'ai rien forcément contre le casting. Je trouve pas que le casting soit mauvais. C'est juste que le scénario et leur dialogue et leur personnage, c'est tellement mal écrit que ça rend le tout vraiment mauvais. Mais eux, ils essaient de faire qu'est-ce qu'ils peuvent avec qu'est-ce qu'ils ont, mais... tu sais, c'est quoi la scène que j'allais mentionner? Mais la scène que je te disais, là, avec quand la ville fait comme dévoiler la sculpture, puis il y a comme une grosse cérémonie, c'est la même scène où la petite fille se fait attaquer. La petite fille, elle va sur un radeau avec des amis, là, puis le radeau va se faire attaquer. Ouais, c'est un genre de canot, je sais pas trop quoi. Là, puis, ouais. Fait que c'est la même scène quand, genre, sur le bord d'une plage, là, il y a comme la mairesse ou je sais pas trop quoi, il y a quelqu'un de la ville qui est là pour présenter la sculpture, puis en tout cas, la sculpture de la femme. C'est drôle parce que toute la première partie du film, Hélène Brody arrête pas de dire à tout le monde de pas aller se baigner, allez-y pas, allez pas dans l'eau, c'est dangereux. Mais t'as une scène de rêve tellement mal incrustée parce que c'est juste, ça apparaît nowhere, puis c'est elle qui est en train de se baigner dans la mer, puis t'es comme... C'est quoi qui se passe? Elle arrête pas de dire à tout le monde de pas se baigner, puis là, il est en train de se baigner, puis là, c'est facile de catcher que c'est un rêve, mais ça sert à rien, puis c'est juste inutile, puis je trouvais ça vraiment mal. Ça marchait pas avec ce que le personnage disait. Tu sais, comment tu veux qu'on y croit qu'elle est partie se baigner alors qu'elle est rendue avec une phobie de l'eau? ça faisait aucun sens. Je suis d'accord. Puis tu parlais de la scène que la petite fille se faisait attaquer. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'il y a un genre de lien entre le requin puis la mer. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Un genre de lien télépathique, si on peut dire. Parce que elle le ressent. Puis c'est pas un hasard. C'est comme au moment que le requin attaque, elle arrête de bouger, puis elle a comme des flashs, ou je sais pas, mais elle ressent ce qui arrive avec le requin, puis elle a tout le temps une présence avec le requin. Premièrement, ce qu'elle fait souvent dans le film, c'est qu'elle va... Elle va se tourner la tête, après ça, elle va tourner le corps, tu sais, vers l'eau. C'est exactement comme Alex Murphy dans Robocop. Elle bouge pareil quand elle sent le requin. Puis deuxièmement, c'est ça, je voulais en venir à ça. Un des aspects que j'aime le plus dans le film, et je suis pas du tout sarcastique, je fais des gros clins d'œil, là, mais personne les voit, mais c'est les flashs, justement, les flashbacks de Hélène qui n'ont aucun rapport le trois quarts du temps. C'est un de ces personnages au cinéma qui a des... Le genre de personnage qui a des flashbacks qu'elle l'a jamais vu. Des flashbacks d'événements où elle était pas là. Elle a un flashback à un moment donné de la mort de Sean. Puis il y avait personne quand Sean est mort. Elle a des flashbacks de différentes scènes. De son mari qui tue le requin dans le premier film. Ouais, elle était pas là, là. C'est fou, c'est niaiseux. C'est vraiment niaiseux. Je comprends vraiment pas. Puis, Ah non, c'est lettre, ces scènes-là, ces flashbacks-là, c'est tout brun, sépia, c'est lettre, là, t'es... Ça sert à rien. Puis, même à un moment donné, ils mettent là, un souvenir d'une des scènes. Une des scènes vraiment que j'aime beaucoup dans le premier Jaws, ou que de la scène entre le père de Roger. Ouais, Roy Schneider puis son fils qui sont à table en train de se faire des gimmicks, tu sais. Puis c'est une scène qui a été réalisée comme sur le vif, puis qui était même pas préparée, tu sais. Spielberg a juste allumé sa caméra parce qu'il voyait les deux en train de faire ça. Tu sais, c'est une scène magique, tu vois que ça fonctionne, c'est naturel. Puis dans le film, tu sais, c'est comme, OK, checké, on vous met le flashback, vous vous rappelez de cette scène-là? Ben, attendez, on vous réserve le même moment cute, mais avec Michael et son fils, puis c'est comme, ça marche pas. C'est comme, c'est vraiment, ils refont la même scène. Moi, j'ai trouvé ça cute, là, mais c'est vrai que c'est pareil. Ben, j'ai trouvé ça facile. Moi, ouais, c'est très facile. Ça ajoute rien, puis c'est très facile. C'est juste un manque flagrant de... c'est qui a... J'ai pas nommé le scénariste, là, mais... Voyons. Michael de Guzman. Que je vois son... Ouais, c'est Michael de Guzman. Je sais pas s'il a réalisé d'autres choses, là. Le réalisateur, c'est Joseph Sargent, mais tu parlais du scénariste. Scénariste, okay. C'est Michael de Guzman. Joseph Sargent, j'ai checké sa filmographie tout à l'heure, le réalisateur, puis il a fait un film en 1974 que moi j'adore beaucoup, qui s'appelle The Taking of Pelham 123, qui a été refait genre en 2006 avec Travolta. Tu Travolta? Oui, c'est Travolta. C'est puis voyons, Denzel Washington. Puis que l'original, là, avec, je crois que c'était un peu, c'était qui déjà qui était là-dedans? Les acteurs connus, c'était... j'ai envie de dire... le docteur dans Halloween... Donald Pleasant, mais j'ai... non, je regarde le casting, puis c'est il a pas d'être là. C'est plus Walter Matthau, Robert Mathieu. Ah, OK, puis oui, c'est ça. Martin Balsam, Hector Elizondo, ouais, c'est ça. Lee Wallace. D'excellents acteurs. Jerry Stiller, aussi, le père à Ben. C'est ça, d'excellents films. C'est étrange parce que j'ai pas vu ce film-là, mais tu sais, je veux dire, tu regardes la réalisation de Jaws 4, puis ça me donnerait pas envie parce que sa réalisation est vraiment ratée. Non, je comprends. J'étais surpris tantôt, j'ai checké ça il y a quelques minutes, puis j'étais très très surpris. Ça n'a rien à voir là, l'un et l'autre. Il y a vraiment des trucs qui sont écrits et qui font aucun sens. Tu sais, t'as une scène, vraiment, hier, j'étais comme, what the fuck? Michael marche avec sa femme sur la plage, ils sont en train de discuter, puis la discussion est pas longue, elle commence, là, il pose une question. Puis à un moment donné, c'est comme. Je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'il répond, il fait juste dire de quoi, tu sais, qu'il veut rien dire, là, aucune révélation en particulier, puis il part courir. Il sauve de sa femme, puis comme Michael, puis il fait juste crisser son camp, puis il part courir, puis comme. OK, c'est quoi qui se passe? Pourquoi tu pars courir? Tu marchais, tu discutais avec ta femme, tu crisses ton camp nowhere? Tu comprends qu'il veut juste jouer, là, tu sais, en même temps. C'est tellement mal, comme tu dis, mal amené, mal écrit. Ah, c'est mal amené, c'est stupide. Moi, j'aime pas la scène durant le festival là, de rue, le festival en tout cas. Puis où ce que Michael Caine puis Lauren Gary se parlent, puis tu sais, t'as de la misère à comprendre ce qu'il se dit, là, je l'ai écouté en anglais, t'as de la misère à comprendre ce qu'il se dit à cause de la musique autour, puis cette scène-là est juste... C'est ça, c'était mal écrit, c'était mal... Ils ont tenté de créer quelque chose entre ces deux personnages-là, mais ça marche pas. Pas vraiment, non. C'est mal écrit, c'est mal développé, c'est forcé, puis... Non, mais dans cette scène-là, parce que moi, ce que j'aimais pas, c'était le setting. T'sais, pourquoi mettre ça dans cette rue-là, alors que c'est super chargé, c'est bruyant, puis tout, puis... non, moi, j'ai pas aimé ça. Mais c'est ça, moi, je reviens à mon point de départ, c'est que j'ai pas détesté la performance de Lauren Gary parce que je trouvais qu'elle l'avait bien, le deuil, puis une mère qui perd son fils, c'est comme la pire des choses au monde, tu sais, fait que je trouvais que sa tristesse, c'était justifié pour ça, tu sais, mais en même temps, comme dans un film de même, c'est comme tu disais, ça alourdit le tout, fait que je comprends aussi que c'est dole, là, mais en termes de performance, je trouvais qu'elle l'avait, là. Elle l'avait, mais en même temps, tu t'en fous un peu. En tout cas, moi, je m'en foutais un peu du personnage et tout ça, parce que j'y croyais pas une seconde. Comme je dis, c'est mal écrit. Enfin, la première demi-heure, je comprends le deuil, là, mais je veux dire, à chaque 5 minutes, c'est qu'on en revient sur un plan d'elle qui pleure. C'est tout le temps ça. C'est comme, là, on a, elle pleure. Elle pleure à l'enterrement. C'est comme, OK, ça passe. Là, on passe à une autre scène. OK, elle pleure encore. Là, t'es comme, OK, ça passe. Là, ça va sur le paquebot. Là, ils commencent à discuter, elle a du fun, elle rit. Là, tout d'un coup, elle repart à pleurer. Là, t'es comme, OK, non, c'est trop. C'est juste trop. Puis, c'est vraiment con parce que tout le long du film, le réalisateur essaie de faire un build-up. T'sais. Il te montre pas le requin, comme dans le premier film. Il essaie de garder ça secret. Fait que tu dis, OK, à un moment donné, il va faire comme une première bonne apparition. Puis, nowhere dans le film, nowhere, t'as juste un plan que tu vois le requin qui nage. Puis c'est la première fois que tu vois le requin, mais c'est même pas durant une grosse scène. Là, c'est juste que tu le vois nager dans l'eau, puis on en revient à une scène de discussion de deux personnages ailleurs. Je suis comme, OK, t'as décidé à 35 minutes pile, admettons, de nous montrer le requin nowhere qui nage dans l'eau, puis c'est tout. C'est ça ta manière de nous montrer ton requin, sa première apparition. Alors que dans le premier Jaws, la première apparition, c'est lorsque Roy Schneider est en train de jeter du sang, puis tu vois ouais. juste le requin derrière qui apparaît, puis c'est une scène mémorable. Là, c'est juste banal, il balance le plan. C'est comme, OK, je suis tanné de niaiser, le requin, c'est lui. Ouais, puis dans le premier film, c'est quasiment une heure et demie après que le film ait commencé. Là. Mm-hmm. J'ai trouvé ça vraiment stupide. Là. Mais c'est ça. Juste de revenir deux secondes sur Hélène Brody, Lauren Gary, c'est pas. C'est ça, moi, c'est pour son côté mélodramatique au plancher qui m'énervait. C'est le côté robot, comme je disais tantôt, qui m'énerve. Là, que je trouve qu'il n'y a aucun rapport. À la fin du film, elle décide de partir elle seule en bateau contre le requin. Là, t'as envie de dire what the fuck. T'sais. Dans le premier film, il paye 10 000 piastres Quint pour qu'il aille chasser le requin parce que c'est un expert, c'est un gars qui connaît les requins. Toi, tu t'en vas tout seul, tu penses que tu vas avoir une chance là, sur ton bateau. Ton petit bateau à voilier. Là. C'est ça, c'est... Ah, ça juste... la psychologie du personnage marche pas. C'est comme un personnage qui arrête. Tu sais, je veux dire, c'est un requin, il est dans l'eau. T'as juste à pas aller dans l'eau, puis c'est fini, ça finit là, c'est tout. Mais juste l'idée de base que le requin les a suivis. C'est un requin, comme il n'arrête pas de dire, il n'est pas supposé avoir de requin. Là, l'eau est chaude. L'eau est trop chaude pour le requin. Déjà. Ça marche juste pas. T'sais. Tu sais, c'est drôle, au début du film, il spécifie, c'était possible, il n'y a aucun requin qui poursuit des victimes ou du monde ou qui attaque. On dirait que le scénariste il a comme fait « OK, moi j'ai vu le film Orca des années 70, puis le je vais dire le poisson parce que j'ai complètement oublié le nom, mais le poisson décide d'attaquer le chasseur qui a tué son bébé. Mais dans le film, ça fonctionne parce que c'est quand même bien écrit, puis je veux dire, le film, il est bon, c'est réussi. » Mais là, il essaie de faire ça avec le requin, sauf que c'est complètement absurde. Un requin nowhere qui veut venir attaquer la famille. C'est comme si ça serait le bébé, puis que le premier requin dans Jaws 1, c'était son papa, puis là... Non, ça marche pas, c'est ridicule. Ça marche pas, c'est juste absurde. C'est juste très très mal écrit. Dans le troisième, c'était correct, tu sais, que la mère avait protégé son petit, avait vengé son petit, mais dans celui-là, non, la prémisse même du film marche pas, tu sais. Il n'y a pas de requin qui va se venger, surtout pas. Non, c'est comme je disais, dans les deux premiers, ils sont morts. Les deux. Il n'y a jamais été question de progéniture, jamais été question de. Puis on ne l'explique jamais dans le 4. Est-ce que ce requin-là est vraiment relié aux autres? Puis de quoi il se venge? C'est qui ce requin-là? De toute façon, il ne peut pas être relié. Je veux dire, après deux requins, déjà en partant, la ficelle commence à être longue. C'est 12 ans plus tard. Dans notre vie, dans le monde réel, c'est 12 ans plus tard. Dans le monde du film, c'est peut-être 15 ans plus tard. Mais ouais. C'est ridicule. Pourquoi 15 ans plus tard, le requin se venge? Là? Puis là, on arrive à la grosse finale là, qu'elle décide, comme tu dis, qu'elle veut aller... attaquer elle seule le requin. Puis là, on découvre des nouvelles facettes du requin. Une qui... À chaque fois, je dis quoi, on dirait qu'il faut que je parte. Il y a ça, c'est drôle au moins. Il y a des aspects qui sont drôles tellement que ça en est nul. Mais le requin, il crie comme un lion. Ouais. Vraiment, le requin, il fait des... Parce que Michael va utiliser une lampe de poche qui fait des flashs. Puis pour X raisons, ça harcèle le requin, il aime pas ça, fait qu'il sort de l'eau comme une espèce d'anaconda parce qu'il est capable de se tenir debout sur sa queue. Parce que Jake, son ami Mario Van Peebles, a mis un truc sur le requin qui... Il l'a comme tagué avec un truc là, qui réagit aux pulsions électromagnétiques, je sais pas trop. Là, mais... À un moment donné, dans le film, il a comme pas harponné, mais il a comme attaché quelque chose sur le requin, là. Ouais, mais c'est pas plus pour savoir où ce qui est. Parce qu'il me semble que c'est comme le détecteur. Mais tu sais, à un moment donné, il réagit aux pulsions. Il faudrait que je le revoie. J'ai pas envie de le revoir. Mais j'étais plus ou moins attentif. Mais c'est ça, je me rappelle de ça. Il disait que ça réagissait. Puis c'est pour ça que le requin, ça y fait mal. Ça fait comme donner des chocs ou je sais pas trop quoi. Là, okay. ça... Ben, des chocs tellement forts qu'il sort littéralement de l'eau. Là. Ouais, c'est ça. Puis quand je dis sortir de l'eau, c'est imaginer un requin sur le bout de sa queue, puis le reste en dehors de l'eau. C'est à ce point-là, puis qu'il lance des cris de lion. Puis... Il n'y a aucune scène de suspense qui fonctionne dans ce film-là. Puis toute la grosse finale, tu t'en fous. Il arrive rien de spécial, il n'y a pas d'attaque mémorable. Puis la seule manière qu'ils trouvent de conclure leur film, c'est juste que le bout du bateau, le bâton, il est genre brisé, ça fait un pic de bois pointu. Puis Hélène, elle va juste décider de rentrer littéralement dans le requin qui est sorti de l'eau. Mais tu sais, elle fait juste rentrer avec le bateau avec un bout de bois à l'intérieur du requin. Fait que normalement, ça devrait juste le blesser, mais là, le requin va littéralement exploser comme si elle aurait pitché une dynamite là, sur lui. Là. Ouais, c'est entrecoupé d'images, comme des flashs du premier film. Puis toute cette scène-là, quand le requin il se met à couler, son corps coule, c'est le même plan que dans le premier film. Je pense que c'est exactement le plan du premier film qui a été emprunté. Là, t'as-tu mis cette scène-là au ralenti? Non. Qui avance image par image? Non. JF, je veux pas t'obliger à regarder le film, mais remets cette scène-là au moment qu'elle rentre et qu'elle explose et mets image par image cette scène-là. Tu vas voir que c'est une maquette, que c'est un petit bateau sur le lac, sur un petit fossé, tu peux voir le gazon alentour. Puis dans le fond, c'est un petit requin planté sur la petite maquette du bateau puis qui explose avec des pétards. Puis tu le vois littéralement quand tu le fais en slow motion, puis c'est vraiment cheap là, puis c'est vraiment digne d'un nanor. C'est littéralement ça, c'est un gros nanor là. Puis moi je préférais la fin alternative qui a été enlevée, ou que dans le fond elle faisait juste comme rentrer dans le requin, puis le requin arrêtait pas de gicler un peu de sang partout, puis qui finalement faisait juste couler au fond de l'eau, puis t'avais pas un plan du requin du premier film, me semble, dans celui-là. Je trouvais que ça faisait déjà plus de sens dans le non-sens de cette scène-là, puis mais bon. Non, c'est un gros... dans l'ensemble, c'est un gros... C'est un gros tas de merde. Vraiment, l'ayant revu hier, j'ai juste encore plus détesté ce film-là. Je l'aime vraiment pas, Jaws 4. J'ai de la misère à trouver les qualités. Même si les acteurs, en tant que tel, sont pas forcément mauvais... Je suis pas capable de trouver une qualité à ce film-là. Il n'y a rien pour moi qui fonctionne. C'est mal réalisé. Le scénario, c'est un exemple même de comment il faut pas écrire un scénario. Puis il y a aucune scène que j'apprécie de suspense ou de plan ou d'idée. Vraiment, c'est un bordel de merde, ce film-là. Puis à part deux, trois scènes nanor qui sont vraiment drôles, comme je dis, le requin qui crie... puis ces choses-là, pour moi, on est plus proche d'un navet où je m'emmerde. Puis j'ai vraiment pas envie de le revoir. Je pense vraiment que c'était la dernière fois que je voyais Jaws The Revenge. Là. Non, moi aussi, je pense. Puis, mais honnêtement, comme je démords pas de mon opinion. Je trouve moins pire que le 3. Mais ah, mais c'est correct. Non, c'est correct. Le 3, juste avec la finale avec les dauphins, et puis tous les effets spéciaux, puis tout ce que j'ai dit tantôt. Au moins, c'est drôle. Ah, c'est niaiseux. C'est comme, yeah, il y a plein de monde qui sont morts, mais les dauphins sont corrects. Yeah! Puis là, on saute dans l'eau, puis les requins sautent de chaque bord de l'écran. Ils sont mal découpés, en plus. Ah, j'ai quasiment envie juste de le revoir. Là. Arrête, tu me donnes envie. Là. Si je veux voir un film d'été qui me rend heureux, je vais écouter la série des Beach Party avec Frankie et Annette. J'écouterai ah ben oui, ça. C'est plus fun. Mais au moins, Jaws 3 fait plus Jaws que Jaws 4. Oui, je t'accorde ça. En fait, ça aurait juste dû s'appeler The Revenge. J'aurais aimé ça, Jaws 3, ça aurait été mieux réalisé. Puis c'était pas un film en 3D. Ben déjà là, mieux réalisé, puis pas de 3D, je suis sûr que t'aurais déjà plus apprécié. Ben, c'est ça que je dis, j'aurais plus aimé. Avec le scénario, c'est correct, ça reste... j'aurais aimé ça. Non, mais c'est ça, tu l'as plus aimé que le 4, de toute façon. Non, je te niaise. Je l'aurais plus aimé. Ah. Oh. Mais en même temps, ça me dérange pas, parce que je glorifie pas le 3, c'est pas un film que j'aime vraiment. Je fais juste dire que c'est, pour moi, juste moins épique que le 4, mais c'est un mauvais film aussi, là. En fait, il y a juste les deux premiers, moi, que j'aime bien revoir de temps en temps. Ouais, les deux premiers sont super, là. sont super. Ben, le premier, c'est un chef-d'œuvre, puis le deuxième, ben, il est le fun. Ouais. Si le 3 puis le 4 auraient été de la trempe du deuxième, ça aurait passé, puis ça aurait été sympathique. Mais en même temps, je pense pas que c'est une série qui aurait dû se rendre jusqu'à 4. Là. Je veux dire, à un moment donné, quand le requin il est mort deux fois, c'est bien beau ramener tout le temps des requins, là, mais tu vas pas me faire avaler que tous les requins sont après cette famille-là. Non, c'est ça, c'est ridicule. Puis, non, c'est, moi, l'anecdote qui me fait le plus rire dans tout ça, qui est un peu désolante aussi, c'est que Michael Caine, cette année-là, a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour le film Anna et ses sœurs de Woody Allen, qui est un très, très bon film. Ouais. Mais il pouvait pas être à la cérémonie des Oscars parce qu'il tournait Jaws 4. Fait que c'est le... À ce moment-là, c'était son premier Oscar à vie, si je me trompe pas. Je pense que ça reste encore son seul. Il faudrait que je vérifie. Il pouvait pas être à la cérémonie. T'sais. Il a manqué ce moment-là marquant de sa vie parce qu'il est en train de tourner Jaws 4. Puis Jaws 4, ça lui a valu, je pense, une nomination aux Razzies. Ça m'étonnerait pas. Peut-être même qu'il l'a eu, le prix, je suis pas sûr. Puis c'est drôle parce qu'il est arrivé quasiment la même chose à comment est-ce qu'il s'appelle, Louis Gossett Jr., qui avait gagné, soit qui avait eu une nomination ou qui avait gagné un Oscar pour Officer and Gentleman en 82-83. Ouais. Puis l'année suivante, il s'est ramassé aux Razzies avec Jaws 3. C'est drôle, on n'a pas mentionné, mais dans Jaws 2, tu disais, le requin attaque un hélicoptère, puis tu sais, il l'entraîne sous l'eau. En tant que cette scène-là pourrait paraître grosse, mais je suis pas dans le contexte du film, elle est pas si pire. Ils ont décidé de refaire la même affaire avec le 4, sauf que là, c'était avec un avion. C'est con. C'est encore une fois, c'est juste une scène stupide. Pis... Il emprunte beaucoup aux autres films, c'est vrai. Comme il empruntait la scène des grimaces. Non, ça manque d'imagination. C'est pas... Comme je dis, on dirait, ben, on dirait vraiment un enfant de 12 ans qui a écrit le scénario. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un film pour la TV, là, en le voyant. Puis c'est très mélodramatique, comme un film pour la TV. Là. Mais si as-tu été au cinéma, cette affaire-là, je me demande. Ben, je pense que oui. Sur IMDb, ça dit que c'est sorti en France le 25 décembre 87. Est-ce que c'était sorti au cinéma ou à la TV? Je sais pas. Là, mais c'est pas trop pire. T'sais. Ça a eu un budget de 23 millions, puis ça a rapporté 20. Ah. Au moins, il est pas rentré dans son argent. Ah, puis les cheveux d'Hélène, là. Oui. On dirait une perruque. Ils bougent jamais. Ils sont tout le temps parfaits. Puis ça fait comme un. On dirait la moitié d'un morphine. Mais là, en tout cas, on s'éloigne. Je sais qu'il disait dans les trivia qu'il voulait ramener le personnage de Richard Dreyfuss juste pour une petite conversation téléphonique avec Michael puis Hélène. Mais ça n'a pas. Je pense qu'il n'a pas voulu. Ils ont voulu ramener le maire d'Amity, mais puis lui, il avait accepté de le faire, mais il est mort un mois avant le tournage. Je pense qu'il est mort du cancer. Ça, c'est parce qu'il avait voulu y aller, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est un film à malédiction. C'est ça, la malédiction, ce film-là. Mais, personne ne veut jouer dedans. Je suis content qu'il ait arrêté ça. Là. C'était déjà deux films de trop, là, 3 puis 4, mais il fait une chance qu'ils ont arrêté. Parce que, tu sais, après... Moi, j'imagine Le Monde en 87. Là, je me rappelle plus, moi, de... j'étais trop jeune, j'avais 10 ans, mais tu sais, j'imagine les gens qui allaient au cinéma puis qui voient ça arriver, le Jaws 4, c'est comme, hey, ça fait 12 ans Jaws, le moment donné, là, c'est assez, là, 4 films, là, c'est trop. Non, ah, c'est ça, on a eu notre dose, là. Revenez-en, là, des requins, là. Il y a des films qui sont pas faits pour être une série, tu sais, même si ça rapporte beaucoup d'argent, vous pouvez pas, là. Non, c'est ça. Spielberg était tellement rendu loin dans sa vie, il était tellement plus là, là, tu sais, dans... J'imagine ce qu'il devait penser en voyant ça au cinéma, tu sais. Lui, je me demande s'il l'a vu, premièrement. 87, il était rendu genre dans Couleur pourpre ou quelque chose de genre, tu sais. Il était plus là pantoute dans sa tête, là. Peut-être qu'il a décidé de voir Jaws the Revenge pour voir l'ampleur du désastre avec ce que le monde disait, puis... ça aurait été épique, je pense, avoir une vidéo de la première fois que Spielberg regarde Jaws the Revenge. Est-ce que ça aurait été le fun, là? Moi, je me dis qu'il a dû voir la suite, parce que la suite mettait en vedette Roy Scheider, tu sais, il l'a peut-être vu. Ben, il était producteur, il me semble, non? Peut-être, de oui. La suite, il me semble que oui. Puis John Williams, il faisait la musique encore, je pense, dans le 2. Je pense que oui, oui. Puis, tu sais, c'est tombé en même... Le 2 est sorti la même année que lui a fait Rencontre du troisième type avec Richard Dreyfuss. Puis, ouais. Je sais pas s'il était l'un contre l'autre. Là. J'ai pas vérifié les dates. Mais... Non, c'est ça. Lui, il est passé à d'autres choses. Puis, il a évolué tandis que Je sais pas qui exactement. Je pense que les deux premiers films, c'était Richard Zanuck qui produisait. Je sais pas si les deux, le 3 et le 4, je me souviens plus c'était qui. Mais c'est ça, tu sais, les studios ont fait, ah, on continue, puis on va attirer des jeunes avec ça. Puis... Se sont plantés. Ouais. Le 3, y a-tu fait de l'argent? Je vais vérifier. Ouais. Ben, pour qu'il y ait un 4, je me dis qu'il faut qu'il y ait eu un minimum de succès. Le 3, il y avait. Il y avait 20 millions, puis il a rapporté 42. Ouais. Ouais. Ben, tiens, en même temps, t'avais un casting quand même pas payé. Je veux dire, t'avais Dennis Quaid, puis t'avais Louis Gossett Jr., puis Léa Thompson de Back to the Future. Mais justement, Léa Thompson n'était pas encore vraiment connue. Tu sais, elle avait fait l'année d'avant un film avec. La même année, elle avait un film avec Tom Cruise, un film de. C'est juste, c'est pas un film de football, là, je pense. C'est All the Right Moves, que j'ai pas vu. Mais c'est ça. Puis Dennis Quaid, je sais pas s'il était vraiment connu encore en 83. Il a pas fait grand chose. Il a fait Caveman, il avait pas fait. Faut que je check, là. Il a pas fait tant de films que ça. En tout cas, peu importe, là, mais. Mm. Ouais, mais c'est ça. Jaws, toute qu'une série. Presque. Si ce qui est... Ah, je pense qu'on a fait le tour de cette marde-là. On va... Oui, oui. C'est un navet ou un anard pour toi? T'as-tu ri avec ça? Jaws 4? Ouais. Non. Bon, ben, je pense que c'est clair, c'est un navet. Ah, c'est un navet. J'ai pas envie de voir le 3 puis le 4 plus jamais dans ma vie, je pense. C'est assez... Il y a d'autres choses à faire de ce temps-là. Ben, je préfère regarder toutes les autres dérivées de films de requins qu'il y a eu. C'est déjà plus fun. Ça se prend moins au sérieux. Je serais curieux de voir... Il y a un film qui s'appelle Tentacles en 77 avec Henry Fonda puis une couple d'autres vieux acteurs là, que je suis curieux de voir. Là. Tentacules. Je connais pas ça, là. Je connais pas non plus. J'ai vu ça un moment donné passé. Je pense que j'ai vu ça sur IMDb. Je sais pas trop quoi. Puis... Ouais, Tentacule 1977. Avec Henry Fonda. T'sais. Ils se sont dit, hey, un film de requin avec Roy Scheider, ça marche, on va aller chercher d'autres acteurs, hein. D'autres bons acteurs, puis faire un film de monstre. Ben, il doit avoir un petit rôle là-dedans, j'imagine. Je sais pas. Ben, John Huston, Shelley Winters, Bo Hopkins. Ouais. C'est du monde qui ont. Du monde connu à cette époque-là. 3.5 sur IMDb. C'est encourageant. Ouais, fait que c'est ça. Pour conclure un peu l'épisode, pour pas passer notre temps non plus sur IMDb, ouais. C'est dole pour les gens qui nous écoutent. Hey, j'ai pensé à une autre affaire de trivia. Pour le premier film tout à l'heure, pour Le Limier, j'avais complètement oublié. T'as-tu remarqué, tu l'as écouté en français, Le Limier, hein? Ouais, c'est... Oui, j'ai... T'as-tu reconnu la voix de Laurence Olivier, celui qui fait le doublage? Non. C'est la voix de Obi-Wan Kenobi. Puis c'est la voix de Gargamel aussi. Ouf, j'ai vraiment pas remarqué. Faudrait. Gargamel, t'es sûr? Oui. Quand je check sur. Ben, moi, t'as pas vu une autre version. J'ai checké d'ailleurs sur. Tu l'as écouté sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Non, c'est un Philippe quelque chose. Je me rappelle plus du nom, là, mais tu vas sur la page Wikipédia du Limier. Tu vas dans le casting. Ça va donner les noms des doubleurs. Puis. Ouais, c'est la voix de Obi-Wan Kenobi. Que la force soit avec toi. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Fait que je pense qu'on a pas mal fait le tour avec nos films. Ouais. T'avais-tu déjà décidé qu'est-ce qu'on faisait pour le prochain ou tu préfères qu'on attende avant de les annoncer ou... Ben, je pense qu'on va les annoncer au time-out. Ok. Parce que je suis pas encore certain pour le Nanar Navif. Fait que... Parfait. Puis, ben c'est ça, on a d'autres épisodes qui s'en viennent, évidemment, puis on est en train de jaser de tout ça, puis de penser à tout ça. Fait que, on vous tient au courant dès qu'on connaît les titres. C'est ça, la semaine prochaine, on va avoir finalement ton vidéo de Fantasia, probablement. Oui, je t'avais de le finir, là. Je suis comme, mettons, je dirais qu'il est 70% complété. Yes. Il me reste encore Il me reste encore deux trucs à tourner puis à finaliser un petit peu le montage puis ça devrait être terminé. Ça me fait chier parce que je voulais vraiment le sortir comme pour... avant que le festival se termine puis le festival est terminé. Fait que je trouve ça un peu dommage. Puis là, en plus, TurboKid sort déjà vendredi. Fait que je vais essayer de mettre à jour des trucs dans la vidéo parce que là, je vais me dire que le monde va pouvoir voir TurboKid maintenant, ce qui est une très bonne chose. Là. Mais je vais plus faire part de comment ça a été, parce que ça a été, veux, veux pas, la première canadienne, puis c'était la première fois que Roadkill Superstar présentait leur film chez eux. Fait que ça avait un côté spécial puis très émotionnel durant cette soirée-là, puis c'était vraiment mémorable. Mais c'est mieux d'être épique, cette vidéo-là. Autant que tu prends pour la faire, là. Je peux pas dire épique, là, mais j'ai quand même investi beaucoup de temps, puis j'ai essayé de faire de quoi qu'il y avait de la lune. Je l'ai pas fait à moitié. Là. OK. J'espère que les gens vont apprécier. Je pense que oui. Ben, sûrement. J'ai très, très hâte de voir ça. Désolé, je mange depuis tantôt. Là. Mais ouais, bon. Aussi, j'ai faim. Fait que ben, là-dessus, je pense qu'on peut se souhaiter bonne soirée. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Comme à l'habitude, on apprécie vraiment beaucoup votre présence et on apprécie vos commentaires sur Facebook. Oui, c'est le fun. C'est toujours, toujours très apprécié, que ce soit positif, négatif, n'importe quoi. Vous avez des suggestions pour des films ou comment améliorer le site web ou n'importe quoi. Des trucs... qu'est-ce que vous aimez du podcast, qu'est-ce que vous aimez pas, peu importe. On prend tout comme commentaire. Merci beaucoup à toi, Steven, et bonne fin de soirée à toi. Je te remercie. C'est toujours, toujours, toujours, toujours un plaisir. Et, ah oui, c'est ça, j'ai pensé à une chanson. Ah merde, il faut que je retrouve le titre. Jazz. Ah, je sais, c'est quoi. Deux petites secondes. Une chanson pour finir cet épisode-là. On va finir cet épisode-là sur une chanson qui s'appelle Mr. Jazz par un gars qui s'appelle Dickie Goodman. C'est sorti ça en 75, en 45 tours. Ça a été un hit. Ça s'est ramassé sur le top 40 aux États-Unis pendant plusieurs semaines. Et c'est ridicule, ridicule, ridicule. J'ai écouté ça tout à l'heure sur YouTube. Dans le fond, le gars, il fait juste, durant la chanson, interviewer le requin du premier film, Mr. Jazz. Puis il interview d'autres personnages du film, puis il met plein de petits extraits de chansons qui, dans le fond, c'est ça leur réponse, c'est ça les réponses des gens, c'est des petits extraits de chansons, puis ça devient un cafouillis total, puis c'est bizarre, ridicule, et on va vous le faire écouter tout de suite maintenant. Donc, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à toi, Steven, et à la prochaine. Sans blague, ces nichons sont plus gros que ceux d'Annette. Tu rigoles, il n'y a jamais eu de nichons plus gros que ceux d'Annette. We are here on the beach where a giant shark has just eaten a girl swimmer. Well, Mr. Jaws, how was it? Dynamite! And what did she say when you grabbed her? Please, mister, please. I know sharks are stupid, but what did you think when you took that first bite? How sweet it is. Mr. Jaws, before you swim out to sea, have you anything else to say? With me now is the local sheriff. Sheriff Brody, the shark will be back for lunch. What do you intend to do? Do a little dance, make a little love, get down tonight. Just arriving is oceanographer Matt Hooper. Sir, if someone is attacked by a shark, what should they do? Do the hustle. We are going aboard the fishing boat of Captain Quint. Captain, will you be able to catch this giant shark? I will. Thank you, I Captain. Will. Captain, I Captain. Will. Captain, when you catch one of these sharks, what do you feel like? Like a rhinestone cowboy. We've just sighted the shark again. He's coming straight for us. Captain Quint is shouting something at him. Get your baby one of these nights. Hey, Jaws, the captain says he's going to catch you. What do you think of that? Uh-oh, here he comes again. They've hit him. Mr. Jaws, why doesn't anything seem to hurt you? He's coming right onto the boat. Mr. Jaws, why are you grabbing my hand? Wouldn't you give your hand to a friend? No, wait. Mr. Jaws, that's not the way this record is supposed to end. Help! Help!